franchement, c'est bien, hein. Et c'est Zizou qui le dit. Il n'y a pas beaucoup d'émissions de radio en France, et même ailleurs à l'étranger, je pense, qui peuvent se targuer d'avoir eu Zinedine Zidane pour faire un jingle, quand même. Je sais pas. Hein? Alors, j'en sais rien, mais c'est quand même un grand moment de radio. Ce jingle-là de Zizou, je... On a quand même eu aussi un liner, un jingle de Silvio Berlusconi. Ah oui, mais attends, on a le bras long, hein. On a le bras plus long que tu ne le penses. Pour ceux qui se demandent qui sont ces deux connards qui parlent là comme ça... en disant de la merde. C'est Polo et Pedro, voilà. Hein. Polo et Pedro. Je dirais même plus, c'est Pedro et Polo. Ah oui, mais ça dépend parce que... Ça dépend de quel côté on se place. Moi, je me mets toujours devant. Voilà, donc Polo et Pedro pour le best-of de Mickaël que vous retrouvez normalement toute la semaine de 21h à minuit avec toute l'équipe Sandro, Roux, Toff, Jack, Georges, Michel, Julien, Sylvain, Caroline, Caroline la stagiaire... la stagiaire café, y a beaucoup de Joséphine, noms. La stagiaire pipe, y a beaucoup, Stéphanie, beaucoup. C'est un gros show. Alors, tu crois quoi, toi? Très très gros show. Contrairement au best-of de Mickaël, qui lui était un très petit show, avec seulement deux personnes, Polo et Pedro, et voilà. On est là avec vous jusqu'à minuit pour et faire juste plaisir. Dernière ligne droite avant la fin de ce best-of, puisque c'est demain, c'est fini. On remballe notre tente parce qu'on a squatté là dans le fond du studio. Eh oui, parce qu'on va pas vous l'apprendre, hein, ça fait depuis ce matin que vous le savez déjà, on est jeudi aujourd'hui. Donc c'est l'avant-dernier best-of de cette semaine. Mickaël et toute la clique reviennent dès lundi soir 21h et pour le moment nous on est là pour vous donner ce que vous avez envie d'écouter. 6 11 12 code Mex si vous avez envie d'écouter des trucs, on sait jamais. Et puis pour le moment, on va écouter Justin Bieber, l'interview de Justin Bieber maintenant sur Energy. Et Justin Bieber qui est de retour de la capitale. Partout où il passe, c'est l'émeute. C'est le bordel. On l'a encore vu à Paris, là. Et puis, forcément, il repasse chez nous ce soir dans l'émission. Justin Bieber qui est avec nous. Donc, je tenais juste à rappeler que c'est nous qui avions été les premiers à le recevoir l'année dernière. C'est ça. En toute humilité. En toute humilité, mais bon. Donc, voilà, et c'est nous qui avons cru en son talent dès le début. C'est moi surtout, hein. Non, pas tout, parce qu'il a fait une vidéo sur Michael Jackson. Pas du tout. Il avait pas fait un truc non, sur Michael. Non, c'était son clip avec Usher. Ah, d'accord, ok. Alors j'ai. Elle m'a appelé une fois à 4h du mat en me disant je t'ai envoyé une vidéo d'un mec qui s'appelle Justin Bieber, faut que t'ailles voir. À 4h du mat, va faire foutre, Sandro, t'es gentil, mais j'ai autre chose à foutre. Bon, comment ça va, Justin? Ça va bien. Ah. Parle toujours bien français. Il a amélioré son français. Ah, tu comprends en plus. Oui. Ah, oui, c'est vrai qu'il parle français. Ouais, mais tu vas pouvoir tout faire en français. Oui. Parfait. Très bien. Bon, comment ça se passe au niveau du français? T'as pris encore des cours parce que tu parlais déjà français la fois passée? Ouais. Oui. Well, actually, I was Non. Only in French. Okay. French or Spanish? Moi, je propose que tu fasses les questions en anglais et réponds en français. J'ai. Les filles vont être contentes parce qu'il va rester plus longtemps du coup. Ouais. Je peux comprendre, mais je ne peux pas parler. Bien. Bon, c'est pas grave. C'est bien réponds en anglais. Ah, j'aimerais bien déjà parler anglais comme ça. Nah, but I learned how to speak French in Canada. Il a appris à parler au Canada, en fait. Est-ce qu'il y a un truc qu'il sait pas faire, hein? Is there something you cannot do because you can speak French, you can dance, you can play music? I can't. La vaisselle, faire la vaisselle. I can't jump rope very well. Je peux pas faire du saut à la corde. Oui, c'est normal. Est-ce qu'on a une corde? On peut trouver s'il faut. Ouais, on pourrait trouver. Bon, dès que tu passes quelque part, c'est l'émeute. Ça va, tu le vis bien? How are you dealing with all this riot everywhere you go? You know, it's been fun, you know, having a lot of girls. I'm 15. I really like girls, so it's great. Ouais, c'est plutôt marrant, tu sais, voilà, j'ai 15 ans, il y a pas mal de filles, bon, j'aime bien les filles, donc c'est plutôt sympa. Bon, bah, très Est-ce bien. Qu'il a pas déjà été tenté, je dis pas qu'il l'a fait, mais tenté de dire, bon, allez, viens, toi, je te ramène dans ta chambre. Allez, viens, toi. Tenté, je dis tenté. Attends, à 15 ans, moi, j'étais en tremblant. Oui. Have you ever asked a girl to come into your hotel room? What? have you ever asked a girl to come into your hotel room? Ah, non. Non, jamais. Écoute, il y a une première fois à tout, donc il peut choisir. Ouais, non, mais bon, il y a sa mère qui est là. Bon, Justin, on a tout dit sur toi, donc ton album, c'est My World, qui est sorti en 2009 aux US, qui va bientôt sortir, c'est le 22 mars, et qui s'appelle My Worlds, voilà, yes. C'est ça. Bon, tu peux nous expliquer pourquoi, déjà aux États-Unis, il y a deux versions, donc la première et puis la seconde, ici, il y a un best-of des deux. Yeah. Donc, well, basically, in America, we released it in two parts, My World Part 1 and My World Part 2. But here, we're releasing it both together in one package on the 22nd of March. En fait, ce qui se passe, c'est qu'aux États-Unis, voilà, c'est deux parties séparées. Et ici, ça va sortir tout en un seul pack. D'accord. Et il y a des différences entre le... Are there differences between the two albums? Ouais, entre les deux albums, il y en a un qui est... Yeah, there's definitely, there's a little differences. You know, I recorded the first half of it, you know, like 2 years ago. Or like a year ago. And I just recorded the second half a month ago. So, it's a little different. Ouais, c'est un petit peu différent parce qu'il a enregistré la première moitié il y a entre 2 et 1 an et demi et que la seconde partie il l'a faite il y a quelques mois seulement, donc évidemment il y a quelques différences. D'accord. Et t'as travaillé avec qui sur l'album? I worked with like c'est pratique. I can understand. Yeah, sure. That's perfect. Yeah, I've worked with Tricky in the Dream. I've worked with Brian Michael Cox. I've worked with Ludacris with Baby and stuff like that. Ça va. Oui, ça va. Ludacris, voilà. Voilà. Non, ça va, hein. Ouais, c'est pas. Tranquille, hein. Bon, t'as sorti un single, c'est Baby, justement, avec Ludacris. Et comment tu fais pour bosser avec des mecs comme Cher, Ludacris How come you working with such big stars? How come I am? Yeah. I guess, I don't know, you know, I started working with Usher, like he's the one that brought me into it. So, you know, he has a lot of friends and I've just, you know, been able to, I guess, have the hookup. En fait, yeah, c'est voilà, il a démarré avec Usher, c'est lui qui l'a vraiment amené là, et comme Usher a pas mal d'amis, il dit voilà, c'est comme ça qu'il se raccroche quoi. D'accord. Alors il y a Manon qui est là maintenant du 22. Salut Manon. Salut Mickaël. Comment ça va? Ça va bien. Bon, ben t'avais une question à poser à Justin. Ouais. Attends, il va mettre son casque. Attends, bouge pas. Hop, il a débranché. Ah, il est débranché là? Non mais c'est bon, t'inquiète, il va y arriver. Ah mais c'est bon, de toute façon il va se débrouiller, de toute façon il sait tout faire. Une minute. 10 minutes papillon. Voilà, non. Arrête, tu vas le regarder, c'est bon. Arrête un peu là. Voilà, c'est bon, t'entends là, Justin? C'est bon. C'est bon, parfait. Vas-y, Manon, ta question, il t'écoute. Ok, je voulais savoir s'il avait prévu de passer en France, éventuellement de faire une tournée en 2010. Am I going to be touring? In France. Yes, I'll be doing a tour in France. Late this year, for sure. Plus tard. D'accord. Cette année. Yeah. Certainement. Donc ça sera en 2010 quand même, Manon. Ok. Donc voilà. Te fais des bisous, Manon. Ouais, bisous, Mickaël. Salut, Manon. Bisous, Justin. Ciao à toi. Bye. Amélie, une question. Oui. What does bijou mean? Kiss. Bonjour, hello. Salut, Mickaël. Ah, bisous. Bisous ou bonjour? Non, bisous. Bisous. Bah, kiss. Ouais, kiss. Salut. Ciao. Salut. Oh, c'est plus kiss que salut, hein. Ouais, mais là, je dis bisous pour dire au revoir. Ouais, mais elle lui dit pas bisous pour dire au revoir. Hein. Ouais, ouais. Everything is delayed in my headphones. Oui, c'est normal. That's normal. Yeah. Normal? That's radio. Oh, not usually. Ça se passe pas tout le temps comme ça. En fait, il y a du retard dans son casque. Voilà, c'est ça. Donc, ça le perturbe. Mais on s'y fait, hein, cela dit. Bon, Amélie qui est là. Donc, tu voulais poser une question à Justin. Salut à toi, Amélie. Mais en fait, je voulais savoir... les bases françaises, si l'hystérie, ça lui fait pas peur et tout, donc voilà. Are you scared of the French fans? No, not really. You don't find... Putain, c'est bien, parce que moi j'ai peur. Parce que moi j'ai eu peur. Non, il est pas vraiment scared. Comme il y a beaucoup d'hystérie. Ah ouais, il y a beaucoup de. He was scared when he went outside. Ah ouais, mais c'était. Tu verras la vidéo, c'est juste impressionnant. Ah oui, il a failli perdre un bras. He almost lost an arm. Ouais, c'est. Les doigts surtout. Ouais, non, mais il a pas peur, Amélie. Hein. D'accord. Voilà, de toute façon, il est pas très très grand, mais il a l'air. Il est bien entouré. Oui, bah, oui. Déjà, il est bien entouré. C'est vrai. C'est vrai qu'avec lui, non, je m'en ai pas peur non plus. Hein. Avec lui? Avec son garde du corps. Ah, oui, avec il a eux, pas peur sûr. Alors qu'il sort tout seul là tout de suite. she dares you to go out right now if you're not scared. Alone. Non, non, il vaut mieux pas. Bon, Amélie, je te fais des gros bisous. Est-ce que c'est possible d'avoir un truc dédicacé, un CD ou quelque chose comme ça? Pas de CD. Il y a. Oui, bon, on va gérer ça, oui, ou Maud. Ah, d'habitude, je fais ça en fin d'émission. Bon, là, on me demande hein, combien de nouvel album My World je peux filer? Maud? Ah, c'est caché par terre carrément. Voilà, donc Maud, c'est la maison de disques, Kevin. Oui? Ah non. 10. Tu vois la honte? Elle offre que 10 albums, 10 de tes nouveaux albums, alors que quand on a des... Ah, toi tu fais 9 en plus? Ok, eh ben très bien, parfait. Alors que d'autres offrent parfois 100 albums directement, sans 100, hésiter. 100 albums to give away to our listeners. Non, il veut de l'argent, lui. Ah, il a compris comment ça marchait, l'Ozaïa. Money. Très bien, bon allez, 25. 25. 25. Yes. Oh là. 11. Bon. Ah. Bon, très bien. Ah ouais. Attends, il va lui filer un cadeau. Ouais, s'il rajoute des albums, faut qu'il allonge. 25. Ah. 25. Allez, 15. J'ai des M&M, c'est des comment ça s'appelle ça? Des fraises Tagada. Allez, 13. 15. 15. 13. Allez, 15. 14. Bon, allez, 14, mais un seul. 14. Allez, 15 avec 13. Les deux. 15. 2. Bon, alors 15 et tu peux jouer. 15 and you can play Rock Band. 10. Oh non, il marche à l'envers lui. Bon, alors 10 et je te donne une carte de Justin Bieber iTunes. 14. Bah, il est chiant, hein. Il est bon en business. Il en reste un, je le garde comme joker. Okay. J'espère qu'il aime bien les BLM, sinon je vais con. Hein. Bon, on va tester. Bon, Amélie. Oui. Bon, on va t'enfiler un. Hein, on en a petit stock hein, ce soir. Hein, ça va être compliqué. Tu peux le dédicacer ou pas? Bah, on l'a pas ici. Il est pas encore sorti. Donc là, malheureusement, ça va être compliqué. Ok. Donc, mais tu l'as déjà. C'est pas mal. D'accord. Ouais, d'accord. Je te fais des bisous. Et je peux passer une dédicace ou pas? Vas-y, Amélie. Donc, je vais faire une dédicace à mon grand fils qui nous écoute, à Chouchoute, à Léa, à Morgane et à tous ceux qui nous écoutent. Parfait. Donc, Justine vient de dire 15. Hein. Oui, parce qu'il a goûté les fraises et il en veut encore. Très bien. Parfait. Qu'on aille chercher d'autres paquets. Très vite. Bon, gros bisous, Amélie. Merci, gros bisous. Allez, à bientôt. Ciao à toi. Bon, dans un petit instant, on va revenir avec Justin Bieber. D'autres questions. On va se faire un petit quiz aussi pour en savoir un petit peu plus sur Justin Bieber. Et puis, bougez pas de là. Hein. Donc, pas de live après encore. Hein. Encore ça arrive. Hein. On attend la guitare. Oui, mais on a perdu la guitare. Je sais pas où elle est. Voilà. Ça arrive. Hein. Bah écoute, je sais pas. Hein, c'est pas lost my guitar. Yeah. Ouais. Il paraît, ouais. Allez, 16. 2 minutes. 16. 16. If you give me that the other bag. M&M's. M&M's. Je garde pour tout à l'heure. On va voir. Later on. Ouais, on va voir. Allez, restez là. On vient après la pub. Bougez pas. 21h, minuit. 21h minuit. Mickaël est sur Énergie. Et sur mickaël.fm. Allez, disque! Et on revient dans un instant sur Énergie. Ciao, c'est Silvio Berlusconi. Moi aussi, j'écoute Mickaël. Parce que c'est sympa. 21h minuit? C'est sympa. C'est comme ça l'Italie. Et c'est Silvio qui le dit. Ah oui, c'est comme ça l'Italie. Oui. Et voilà, encore une fois, ça me fait exactement la même chose qu'hier. Ce jingle, je sais pas, il me fait quelque chose, il me surprend, il me fait me questionner sur moi-même, sur mon avenir, sur le pourquoi du comment, de la vie, sur qui est-on. Je connais ton avenir. Là, je peux te dire ce que tu vas faire dans quelques instants. Je vais faire quoi? Tu vas écouter la suite de l'interview de Justin Bieber. Ah, c'est pas faux. Ouais. Et Justin qui est en train de balancer ses fraises Tagada, il est lent, et les gens qui sont là doivent essayer de les rattraper directement avec la bouche. Enfin dans la bouche. Bonjour. Oui, rebonjour Justin. Ça va bon, bien. Justin Bieber qui est donc encore avec nous. Si vous avez des questions, allez-y. Ça se passe sur mickaël.fr. Cliquez sur la communauté pour le groupe Facebook. Et puis aussi sur le standard hein, 0870 42 48. Bon Justin, j'ai lu que tu jouais pas mal d'instruments de musique. Tu joues lesquels? Pardon, say that one more time. Slower. Dis-le plus lentement. Ouais, j'ai lu que tu jouais beaucoup d'instruments de musique. Oui. Tu joues quoi comme instrument? I play the drums, the piano, the guitar, and the trumpet. La batterie, le piano, la guitare et la trompette. Parfait. Alors, il nous a dit qu'il jouait du triangle la dernière fois aussi. Ouais, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Ouais. J'en ai une toute neuve. We've got a brand new trumpet. Donc s'il veut essayer quelque chose, on a un petit produit pour nettoyer aussi, hein, s'il veut. Fais gaffe les M&M's, s'enlève-les de là. Ouais. Je sauve les M&M's pour ma prochaine négociation, voilà. Voilà, donc nice. Elle est toute neuve. Donc si, ah oui, elle est lourde en plus. Hein. Mon Dieu, c'est de l'or, magnifique. Elle est propre. Mais s'il veut, on a du gel, hein, s'il veut laver. Non, il veut pas laver. Ah bah alors là, on n'a pas fini. Hein. Ah, il va jouer pour 2 heures, là, c'est parfait. Wait. Alors, tu peux lui dire qu'on dirait un éléphant. Ouais, mais c'est vrai qu'il y a un bouton qui reste coincé, ouais. Il y a du lubrifiant aussi. Ouais, ouais, non, bon, c'est vrai. Ça fait longtemps qu'il a, qu'il a plus joué. C'est parfait, c'est parfait. Attends, bravo, toi. Parce que peut-être que. 15 ans. Sinon, ça va mal se passer avec les MLM, je te préviens dire. Dis-lui de prendre la guitare plutôt. Ouais, ouais, ouais, on va prendre la guitare dans un instant. Hein. You should grab the guitar. Attends pas. Bon, Justin, attends, on va essayer. Parce qu'il paraît que ça, il faut avoir une vraie technique pour souffler dedans. Essaye d'en faire. Mais j'allais justement te proposer d'en faire. C'est pour lui après. Hein. De quoi? Non, c'est pas pour lui, non. Voilà, on peut la rendre après. Hein. Is it hard to play? Well, you know, I used to take it in school. And now I realize I can't really even play it that well. En fait, il en faisait à l'école et maintenant il vient de se rendre compte que finalement il sait pas très bien jouer. Ils ont de la chance aux États-Unis. Moi, à l'école, on fait de la flûte, hein. In a long time. Ça fait longtemps qu'il y a plus. D'accord. Oui, bon, il a 15 ans, hein. Oui. C'est comme s'il avait 30 piges. Oui, enfin, ça fait 10 ans. Oui, bon, c'est vrai, effectivement, ouais. You play? Bon, le roux va essayer. I try. Ok. Alors. Allez, roux. First lesson. Il souffle, mais il y a rien qui sort. Allez, roux. Il faut péter dedans. Ah, quelle horreur. Eh, mais je vais exploser. Justin, t'as un conseil ou pas à lui donner? Do you have an advice for him? Ah. Quelle horreur. Ouais, il a mis tout du crachat dedans, c'est dégueulasse. Quelle horreur. Bon, lui, il jouait plus très bien, you mais moi, ça avait un sens. You play that just as well as you sing ABC. Tu fais ça aussi bien que ce que tu chantes ABC, parce que la fin dernière, il avait chanté ABC sur un rock band. Il se souvient, hein. You remember that. Eh, Roux, t'as une gueule, c'est horrible. Donc, il voulait faire ABC. J'ai la tête qui tourne, là. Voilà, you should probably go back to singing ABC. Ouais, c'est vrai, tu peux continuer à chanter ABC, en fait. Ouais, il vaut mieux, ouais. Bon, Justin, on va essayer d'en savoir un petit peu plus sur toi avec l'interview Who is the Babe. Alors, attention, donc, on va te poser des questions pour mieux connaître tes goûts et tu dois répondre, évidemment, en chantant. Here are some quick questions you're going to have to answer by singing. So, you have to answer these questions singing, okay? Justin? Justin, can you repeat? Est-ce que tu as écouté ce qu'on vient de dire? Oui. Qu'est-ce qu'on a dit? Tu as dit que je suis belle. Ouais. Eh bien, c'est raté. Bon. Allez. Par contre, explique-lui qu'on dit je suis beau. Hein. Oui, on dit je suis beau. You have to say je suis beau. Belle, c'est pour... It's for the girl. Ah! Ouais. C'est des petits détails quand même. Je suis beau. Voilà, c'est ça. Bon. Okay, Jack, so répète. Here are some questions, you're going to have to answer them, but you have to sing the answer. What? I have to sing the answer. Okay. All right. Quelle est ta couleur? Bon, c'est facile. Hein. Quelle est ta couleur préférée? Yeah, no, purple. Mauve. Très bien. Quelle est ta glace préférée? Enfin, le goût de favorite ice chocolate. Cream. Chocolat. Chocolat, ok. Quel est ton sport préféré? Hockey. Eh ben normal, hein, Canada. Où est-ce que t'aimes passer tes vacances? Oh, you said that way too fast. Tu dis ça trop vite pour lui. Où tu aimes bien aller en vacances? Il faut qu'il rechante toute la phrase. The Bahamas. Hein. Les Bahamas. Ah bah oui. Ah, c'est vrai que c'est pas loin, tu me diras en même temps. Hein. Non, c'est lui va aux Bahamas comme nous on va à Londres. Faut qu'il chante mon endroit préféré, c'est les Bahamas. Ouais, tu dis ça quand c'est presque fini, toi. Bah, bon. Oui. Est-ce que t'es célibataire? I don't know what that is. Are you single? Are you single? Oui. Oui. Oui. Quel est ton style de fille que t'aimes bien? What's my style of girl? Yeah. The type of girl I like is the ones with pretty eyes, ones with a pretty smile, and a really nice face. J'ai eu peur. Les filles avec des jolis yeux, les filles avec un joli sourire ouais. Et surtout avec un très joli visage. Ouais. Tu sais, Justine, qu'en France, face, c'est le cul. Hein. Yeah, I know. Ok. Allez, okay. C'est un message caché. Ouais. On a compris. Je prends. Ok, très bien. Bon. Avec ce que je prends. Ouais. Parlez aussi dans ce contexte. Hein. Quel est ton style de Ma musique? Mon français est rusty. Son français est rouillé. Non, c'est pas mal. Bon, quel est ton style de musique? Pop R&B. Très bien. Quel est son film préféré? Rocky IV with the Russian. Rocky IV avec les Russes. Quel est ton livre préféré? La Bible. Et quel est ton quel est ton repas préféré? Enfin, quel est ta bouffe préférée, fast-food préféré, comme tu veux? Mickey D's. C'est quoi? McDonald's. McDonald's. Ah, McDonald's. Hop là, ça vaut bien un petit burger gratos, ça. T'as filmé, Pablo? Parfait. Bon, on va essayer de négocier là, un menu Big Mac après. Il prend toutes les réponses et nous fait une chanson. You're gonna have to make a song with all the answers. Ça va pas du tout être compliqué, ça. Bon, Do you have any more questions that I can sing? Est-ce que t'as d'autres questions? Non, mais on va trouver. Attends. Ok. Très bien. On fait lui la trompette, là. Non, la trompette, on va l'arranger parce que le roux a soufflé dedans. Ça, c'est la tête qui tourne. C'est même plus soufflé, il a craché dedans. Bon, il y a Lamia qui est là maintenant et qui avait une question à poser. Salut, Lamia. Salut. Comment ça va? Salut Justine, ça va? Bon, t'avais une question, vas-y, on t'écoute. Oui, en fait, je voulais savoir, c'est quand qu'il a rencontré Selena Gomez? Quoi? Selena Gomez. Quand est-ce qu'il a rencontré Selena Gomez? Oui. When did you meet Selena Gomez? Oh, I met Selena Gomez. Non, il peut chanter normal, il peut répondre normalement. Non, hein. Il a envie de chanter. No, you don't have to sing. Oh, okay. I was having fun. All right, so when I met Selena Gomez, it was like 6 months ago, 4 months ago maybe. Il y a 6 ou 4 mois environ. Pourquoi Lamia? Non, parce qu'en fait, je croyais que c'était intéressant parce qu'il a chanté une chanson lors d'un show. Ah. Bah, demande-lui. She thought you were dating her. No, I'm not dating her. Non, c'est faux. Voilà. Non, pas du tout. Non, pas du tout. Non, oulala. T'as l'air d'être clair et net. Hein. I think she wants me, though. Voilà. Tu penses qu'elle est ouverte? Oui, Lamia. Bien sûr. Je voulais savoir si on pouvait avoir un truc, moi et ma soeur, parce qu'on a. Enfin. On s'est battu sur le Facebook pour avoir, mais on n'a rien eu. Oh, si tu savais le nombre de gens qui se sont battus, il y en a qui ont des. Il y en a encore qui se battent dehors. Ah, il y en a qui ont perdu des bras. Hein. Non, mais c'est vrai. Hein. Bon, tu vas voir avec Micha s'il y a quelque chose, mais je te promets pas. Ah, si, si, on a des cartes iTunes, ça je peux te les filer, Justin Bieber. Mais on peut pas avoir un album Non, il n'est pas encore sorti. Tu téléchargeras avec ta carte. Bah voilà, avec la carte, tu les gardes un petit peu et puis tu pourras le télécharger. D'accord. Et Mickaël? Oui. Je peux passer une dédicace? En speed, Lamia, parce qu'il y a plein de questions qui arrivent et c'est dommage de perdre du temps avec les dédicaces. Bah, une grosse dédicace à la French McFly Team. Et je voulais savoir si tu pouvais passer un son de McFly. Non. Pourquoi? Bah, parce que c'est de la merde, Lamia. Mais tu connais pas? Ah, si, je connais, c'est bien pour ça que je le mets pas. Ah bon, tu connais? Ah, oui. Ah, si, je connais. Non, je suis pas fan de McFly, mais bon, après, voilà. Hein. Ah, d'accord. Tu écouterais peut-être le nouvel album, on verra. D'accord, Lamia. Je te fais des bisous. Bisous. À bientôt, Lamia. Ciao à toi. Je ne sais pas que tu dis. C'est pas grave, là, c'était juste comme ça sur McFly. Je crois pas qu'ils connaissent, cela dit, au niveau de la musique. Bon, Justin, en parlant de musique, la dernière fois que t'es venu, t'es devenu le champion 2009 du Extreme Guitar Hero Game et t'as battu Sandro à plat de couture. Non, de peu. Non, c'est énorme. You've been beating her at Rock Band. J'étais à 97, il était à 99, donc ça va. Sans compter que j'avais envie de faire pipi, c'est je ça. Le rappelle. Oui, bon. Et donc Jason Derulo a essayé de te battre, mais il n'a pas réussi. Justin, est-ce que tu veux remettre ton titre en jeu? Are you ready to rumble to just... Yes. Yeah, il est prêt. Si Dr House devait écouter une seule émission de radio, après vous ayez de la bicodine avec vous en, il n'y a pas de doute. Ce serait celle de Michael et sa bande de malades. Je veux mes pilules. Non. Michael. Le remède le plus efficace à tous tes problèmes de santé mentale. Et on est de retour dans ce best-of de Michael sur Énergie. C'est vrai. Et maintenant, c'est la troisième partie de l'interview de Justin Bieber. On va faire maintenant. Je peux faire une petite parenthèse. En fait, je me souviens très bien de ce moment puisque c'était le jour de mon anniversaire. Et Justin Bieber m'a souhaité mon anniversaire devant toutes ses fans médusées parce que on était en public, hein. C'était blindé de chez blindé. Et il m'a dit bon anniversaire. Et j'étais très content. Tiens, voilà quelqu'un de poli, de correct. Oui, parce qu'on lui avait demandé aussi de. Bah non, mais oui, mais c'est normal. Oh, est-ce qu'il t'a offert un cadeau? Oui. Quoi? Il m'a embrassé sur la bouche. C'est vrai. Il m'a offert des M&M's. Ah oui, qui jetait. On lui avait déjà offert juste avant. Ah ouais, mais ouais. c'est l'intention qui compte. Tu parles d'un cadeau. Allez, Justin Bieber maintenant. Qui va essayer de battre son propre record à Band Hero. Exactement. Band Hero. Bon, bah, Justin Bieber maintenant, c'est dans le best-of de Mickaël. Et donc ça y est, ils ont démarré hein, pour ils ont chanté sur Evanescence, voilà, c'est ça, Bring Me to Life, un vrai drame, hein, un vrai drame pour Leroux, une vraie catastrophe. Horrible, il vous a cassé la tête. Non. Si, c'était horrible. Non, Justin, il m'a dit, je te prends sur la tournée. Oui, c'est ça, ouais. Mais si. Comme bouffon pour nettoyer la scène. Non, je te jure. Ouais, c'est ça, ouais. Bon, Sandro, elle est à fond dedans, hein. Imperturbable, elle tape, elle sait pas trop où elle tape, mais je pense qu'elle tape, c'est bon là. Ouais, toujours sur Bandy Row, bien évidemment. Oh, c'est dur la batterie. Oh là là là là. Oh là là, elle galère. Donc elle sait pas trop où elle est, mais bon, c'est pas grave. Je crois que la batterie va s'arrêter. Hein. Alors que Justin est toujours au taquet du taquet, évidemment. C'est à croire qu'il passe sa vie à jouer avec ça. Hein. Sandro, t'as vu comment elle fait? Wake me up inside. Bah voilà, une auditrice fait mieux que toi. Oh. Bon, rassurez-vous, c'est bientôt fini. Hein. Le drame se termine. Et rate rien, Justin. Je le vois sur l'image, là, Bandy Rose. C'est, c'est dommage qu'on n'ait pas roux sur la finale. Hop là. Non, c'est pas dommage, non. Alors, c'est fini. Ouais, non, tu vois, ça a donné ça pendant quasiment toute la chanson. Verdict maintenant, attention. Alors que Justin a eu un petit problème parce qu'à un moment, quand on a recommencé à parler, il avait plus le son, donc il a merdé un peu à ce niveau-là. Terminé en 91% en expert. Et c'est qui a... C'est Justin. On voit... Ah, c'est Justin qui a 91%. Ouais, ouais. Eh, ouais, bah oui, c'est pas mal. Bah comme... Yeah. En même temps, il n'en doutait pas. Hein. C'est pas la peine de lui dire il a gagné, c'était évident. Non, c'était serré avec moi. Ah si. Arrête un peu. Mais oui, bah c'est ça, ouais, arrête un peu, ouais. Bon, Sandro. Qu'est-ce qu'il y a? T'es en train de bouffer les fraises, ta gueule, hein? Non, je te jure, j'ai pas touché. T'es en train de bouffer les M&M's? Mais non, c'était pour essayer de le faire perdre avec les ouais, bonbons. Mais ça a pas marché, hein. Ça a pas marché. Bon, Justin. Tiens. Allez. C'est ça le problème. Hey, c'est son rôle qui... Tu vois, mais non, c'est moi qui l'héros, il va... Hey, si tu me donnes ta victoire, je t'en donne. Voilà, c'est t'agresse. C'est dingue ça, quand même. Bon, il a les yeux sur la M&M's. Ouais, mais ça va venir. Je vais négocier, mais sur la fin. Bon, il va d'ailleurs chanter en live dans un instant. Tu chanteras quoi en live dans un instant? You'll be playing live in a few seconds. Which song are you going to play? I can't hear you. Which song are you going to play live in a few seconds? I'm going to be playing... Well, it wouldn't be fun if I just told you, would it? Ok, ce serait drôle si je vous le disais pas. We gotta keep it a surprise. Okay. Bon, ouais, très bien. On le fait surprise, on le fait. Ok, surprise. Pas de problème. Je rappelle qu'il reste des places encore pour le concert de demain soir à Paris pour Justin Bieber, concert privé. 612, débuté par Énergie, puis vous mettez Bieber avec votre numéro de téléphone. Micha vous sélectionne dans quelques secondes et c'est Justin lui-même qui va vous appeler. Alors, ça te fait quoi demain de jouer dans Paris? T'avais déjà joué à Paris, Justin? Je me souviens plus maintenant. How do you feel about tomorrow's gigs? Tomorrow's gigs. Yeah. I don't know. The showcase you're playing tomorrow. Where? À Paris. In Paris. No one has told me. Ah, personne lui a dit. Ah, bah écoute, très bien, écoute, parfait, hein, il chantera. Maud, il est pas au courant? Non, mais apparemment c'était tout à l'heure. Ah bon? Ah, mais c'est le 24, on est quel jour? On est le 23. Ah bah c'est ça, donc c'est demain, on est bien d'accord. Ah bah très bien, parfait, je me sens bien. Bah demain tu vas voir un petit show, tu vas voir, ça va être cool. Well, we're telling you, you have a show tomorrow, so okay. I know you know. No, voilà, mais comme ça au moins il est prévenu. Bon, il y a Mélodie qui est là maintenant et qui avait une question. Salut Mélodie. Salut Mickaël, salut toute l'équipe. Comment ça va? Ça va très bien. Bon, t'avais une question à poser à Justin? En fait, je pourrais les poser en anglais? Bah si tu veux, oui. Hi Justin. Attends, il va remettre le casque. Can you hear? Okay. Put that phone. Hello. Vas-y. Hi, Justin. Hey, how are you? Fine. Better than yesterday. Aww. Mieux qu'hier. Yesterday, I waited like 8 hours outside the stadium. You did? Yes, and they closed the door in front of my eyes. Aww. That sucks. So I wanted to know, what keeps your feet on the ground except gravity? Except for gravity. Gravity keeps my feet on the ground. No, I mean, like, that's a good question. You know, I have great family members that, you know, are surrounding me and they're there to stay, keep me humble. En fait, elle lui dit déjà qu'elle a passé 8 heures dehors devant le Citadium et que bon, les portes sont refermées devant elle. Et elle lui demandait qu'est-ce qui lui faisait garder les pieds sur terre à part la gravité. Et en fait, c'est juste qu'il a une famille extraordinaire autour de lui, c'est ça qui l'aide à rester les pieds sur terre. Voilà, Mélodie. J'avais une autre petite question. Vas-y vite. She's got another one. Will you celebrate your birthday in Paris? I'm actually leaving on Friday. Non, il part vendredi. Voilà. La question c'était ce qu'il va fêter son anniversaire à Paris. Le 1er mars. Et qu'est-ce qu'il va faire pour son anniversaire? Ouais, qu'est-ce que tu vas faire et qu'est-ce que tu voudrais pour ton anniversaire? I'm going to be having a party with my friends and then hopefully I'll get a Range Rover. Il va faire une teuf avec ses amis et il espère recevoir une Range Rover. Un petit cadeau. Ouais, ouais, un petit truc quoi. Ça une miniature ou une vraie? A real one? Yes. Oui, une vraie. Ok, alors est-ce que, comme toi, tu connais pas mal de monde là, même si t'es encore jeune, il y a Sandro qui va aussi faire son anniversaire dans quelques jours et elle voudrait un lion. Bah, juste avant lui. Ouais, juste avant, et elle voudrait un lion. Ou un tigre, non, un tigre, c'est ça. She's having a birthday one day before yours, and she would like a lion for a birthday. So do you have an idea how to get that? Ah, il a peur. Yeah, let's just go to the zoo and kidnap one. Zoo et kidnap. Sinon, il y a son manager qui dit qu'il est un lion. Je pense qu'il est intéressé. Très bien. Bravo. Elle va le message passer au moins. Bon, très bien. Ben voilà, Mélodie. Oui, Mélodie. Nickel. Ce serait possible d'avoir des places pour demain soir parce que c'est super dur. Bah, j'imagine. Bah oui, mais non, parce que comme j'ai fait jouer tout le monde, il y a des concours et donc si je les file à toi après, ça va gueuler. Hein. Mais tu peux pas jouer. J'ai attendu 8 heures hier. Bah, oui, malheureusement, t'es pas la seule en plus. Ouais. Bah oui. Attends, ça dépend. Attends. Mélodie, Justin, si tu. Ah bah non, il est pas au courant qu'il joue demain déjà. Bah maintenant, oui. Ouais, maintenant, il joue demain. Elle voudrait venir à ton concert. Tu lui donnes une place ou deux places ou pas? She would like to see you play tomorrow at this show we are Please. Telling you. Okay. Yes, I guess. I love you. Could you invite her? I love you. I guess. Attends, il réfléchit encore. Il réfléchit. Can you guys give her tickets? Est-ce que nous, on peut lui donner des tickets? Micha, il en reste ou pas? Des tickets? Des tickets? Pour demain? Non, je les ai revendus sur eBay. Oh, te fous de ma gueule, il en reste ou pas? Non, mais je rigole pas. Qu'est-ce qu'il est relou? Bon, il en reste. Mélodie, ah bah très bien. Bon, il en reste. Ok, we have tickets for. Nice. Then we'll see you tomorrow. Ah bah, donc on se verra demain. Bon, bah, voilà, Mélodie. À demain. Tu peux remercier Justin parce que moi, je les aurais pas filés. Thank you, Justin. Salut Mélodie, gros bisous. Au revoir. Ciao Mélodie, et puis reste au sport. Bah, bisous, tu vois, il a compris le dos, c'est pas mal. Bon, et la dernière question de Angel qui est là maintenant. Salut Angel. Salut Mickaël, salut tout le monde. Ça va? Bien et vous? Bon, super, ouais. Alors, qu'est-ce que tu voulais poser comme question à Justin? Bah en fait, il a tourné dans un film, ça s'appelle American Girl. Mmh. Et j'aimerais savoir s'il avait passé en France. D'accord. Bon. Il en sait rien lui. Bah ça, je sais pas effectivement. You've been playing this Attends, movie. Parce qu'il joue encore avec les fraises Tagala. Oh là là, j'aurais pas dû lui offrir. Ah bah ouais. J'aurais dû les lui donner à la fin. C'est dommage. Justin, you've been playing this movie. Yes. American Girls. You've been in this movie. Pardon? You've been playing in the movie American Girls. Ah bah, il savait pas non plus. Il y a pas un autre nom. Bah, le tournage commence la semaine prochaine alors. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Non, excusez-moi, j'ai dit American Girls. Ouais. Oui. C'est School Girls. Ah oui. School Girls. Oh, School Girls. Yeah, yeah. Oui, effectivement. Yeah, I was in this little thing called School Girls on Nickelodeon. Oui, c'était sur Nickelodeon. C'est un petit truc. Voilà, il était dans ce petit truc-là. Bon, peut-être que ça passera sur Nickelodeon France. Voilà. Télécharge-le. On va voir. Oh, ah, si, elle l'aura pas sinon. Ouais, bah, faut voir. Bah, voilà, Angel, hein, confirmation donc. Et j'aimerais savoir si. Il faut avoir un petit truc dédicacé parce que je pense que les places, il n'y en a plus. Ah, je te confirme. Bon, bah écoute, on va essayer. Je te repasse Micha, tu gères avec lui s'il y a moyen de gérer quelque chose, d'accord? D'accord, ok. Bon, allez, salut Angèle, à bientôt. Merci. Et les places, en l'occurrence, il en reste que deux. Justin, on va appeler un auditeur ou une auditrice qui a gagné tes deux places. Je te remercie, Justin, pour les fraises Tagada. Je ne voudrais pas te priver. On va l'appeler. Donc, comme tout. S'il peut l'appeler lui-même, je crois qu'elle peut, il ou elle peut se pisser dessus. We're going to call someone who won tickets for your show tomorrow. So maybe if you could just talk to her and just pick up the phone. Okay. Mets ton casque. Voilà, hop, on appelle. Et on appelle une fille. J'ai un contrat à m'en étonner. It's a girl. Ready? Voilà. Bonjour. Attends, hold on. It's ringing. Bonjour. Hold on, it's ringing. Allô? Bonjour. Oui. Comment ça va? Ah non, non. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Oh non, c'est pas possible. Oh, how are you? Oh mon Dieu. Oh, don't cry. I'm sorry. Je t'aime beaucoup. Oh, merci. Oh. Merci. Oh, merci. Merci. Donc on appelle le SAMU très très vite, hein. Vite. Oh non, mais bon. Je m'injure. Bon, Diane. Bah, on dirait que Diane. Il a l'impression que t'es en train de crever. I'm sorry. So it's gonna be fun. We'll get you tickets. Voilà, on te file deux places, Diane. J'ai l'impression que je l'ai frappé. Oui, pas mal. Ouais, ou autre chose, hein. Oui, enfin, 15 ans. Bon, profite-en si t'as une question. Ouais, Diane, t'as une question? Comment? T'as une question? Non, ça ira. On va faire des exercices respiratoires, ce sera possible. Ouais, bon mieux. C'est parfait, c'était parfait, c'est la meilleure question de la soirée. J'arrive pas à parler. Non mais on a bien vu, c'est pas grave. Bon, Diane. Qui est au téléphone? Diane. Oui. Diane, oui. Je te repasse Michel au standard, on prend tes coordonnées, d'accord? D'accord. Salut Diane. On t'aurait bien passé Justin pour les coordonnées, mais ça aurait été trop dur. Voilà. Il a compris le bisou, hein. C'est parfait. Bon, Justin, t'es prêt pour jouer? Oui. Ready to play live? Tu dis toujours pas ce que tu chantes? You're still not gonna tell us which song is... Ok. Très bien, Justin Bieber maintenant en live sur Énergie avec je sais pas quoi. Voilà, c'est parfait comme ça. Hold on. Qu'est-ce qui se passe? Un problème? Oui, on m'a pas dit quel micro c'était. Ah voilà, parfait. Can we just check the sound? Attends, il regarde d'abord s'il est beau avec sa casquette, tout ça. Oh là là là là. Allez, c'est parti. Mic check 1, 2. Bisous. Oh wow, oh wow, oh wow. You know you love me, I know you care. Just shout whenever, and I'll be there. You are my love, you are my heart, and we will never, ever, ever be apart. Are we an item? Girl, quit playing. We're just friends. What are you saying? Said there's another and look right in my eyes. My first love broke my heart for the first time. And I was like, baby, baby, baby, no. I'm like, baby, baby, baby, no. I'm like, baby, baby, baby, no. I thought you'd always be mine, mine. Just can't believe we ain't together. And I wanna play it cool, but I'm losing you. I'll buy you anything, I'll buy you any ring, cause I'm in pieces. Baby, fix me, and just shake me till you wake me from this bad dream. I'm going down, down, down. And I just can't believe my first love won't be around. And I'm like, baby, baby, baby, no. Was 13, I had my first love. Ain't nobody who compared to my baby, ain't nobody come between us, ain't nobody come above. She had me going crazy, yo, I was starstruck. She woke me up daily, don't need no Starbucks. She made my heart pound, skip a beat when I see her in the street, and that's cool on the playground, but I really wanna see her on the weekend. This girl, she's got me dazing, cause she was so amazing. And now my heart is breaking, but I just keep on. Baby, baby, baby, no. I'm like, baby, baby, baby, no. I'm like, baby, baby, baby, no. I thought you'd always be mine, mine. experts Miami devaient écouter une seule émission de radio? C'est une excellente question. Il n'y a pas de doute. Il n'y a pas de doute. Ce serait celle de Michael et sa bande de psychopathes. Michael, 21h minuit, expert en tuerie radiophonique. Ouais, en tuerie radiophonique, je suis pas sûr. Je suis pas sûr. Tu m'aurais dit Dexter, j'aurais dit oui, parce que c'est un criminel. Oui. Mais là, les... ils sont experts en tuerie radiophonique. Ouais, bon, en parlant d'experts... Oui. Je connais quelqu'un qui connaît parfaitement, qui est un expert en anatomie humaine. Ah oui. Alors, je vais d'abord, on va replacer le truc. Là tout de suite, on va passer les Jeux Olympiques. Puis vous savez, depuis le début de la semaine, on fait une rétrospective de nos prouesses olympiennes. Où nous avons fait nos propres Jeux Olympiques. Et là, on va faire le squeletton. Alors le squeletton, vous savez, c'est cette espèce de petite luge où les gens se mettent allongés. Et ils sont poussés assez rapidement sur la glace. Et là, Toff a révolutionné le monde de la science et de l'anatomie. De la biomécanique. De la biomécanique. Il a découvert une partie du corps qu'on ne connaissait pas, qui s'appelle l'intercom. Et donc, il s'est blessé à l'intercom lors de ces Jeux Olympiques. On l'écoute, vous allez voir. Voilà, on est là comme tous les soirs entre 21h et minuit. Vous lâchez toujours vos messages, bien sûr, aussi sans doute en débutant par énergie, évidemment. Vous laissez votre numéro de téléphone ou sur amical.fr. Alors, on devait avoir le micro normalement, mais bon, là, mais finalement, il n'y a pas de micro, donc on va faire ça par téléphone. Donc, c'est pas bien grave. Alors, le concept, donc, c'est les Jeux Olympiques. Jack, tu m'entends, hein, je te confirme. Oui, je t'entends. Je parle pas tout seul. Et je voulais juste dire à Micha que c'est un idiot, puisqu'il a cru que j'étais un auditeur, et donc il a juste voulu montrer qu'il faisait bien son travail, et il m'a dit avant de mettre antenne, bon alors écoute, on va y aller, il m'a même pas laissé parler, on va y aller, t'inquiète pas, tu coupes la radio et pas des haut-parleurs, hein. Hop. C'est une petite blagounette. Qu'est-ce qu'il est bête alors. Non, c'est juste pour montrer qu'il travaille et c'est tout. Hein. Bon, allez, c'est pas grave, on va donc jouer. Oui, c'est vrai, voilà, je vous explique. Winter Games. Parce que là, toi, on t'a parté... Ah, d'accord, Toff est venu chercher le merdier. De quoi? Ah, il est venu chercher le micro? Ouais. Ah, et ben, très bien, c'est bien. Bon, nous allons pouvoir jouer maintenant. Donc, alors, le concept est facile. Vous voyez à quoi ça ressemble, hein, la planche, là, qui glisse... comment on appelle ça? Putain, je suis mauvais. Un squeletton. Oui, le squeletton, comme dirait Roux. C'est un bobsleigh, bon, mais c'est voilà. Que tu vas sur le ventre. Exactement. Et nous, là, on a un truc pour transporter des trucs. Un diable, en fait, mais... Non, c'est pas vraiment un diable. C'est une espèce de planche avec des roulettes, effectivement. Mais, tiens, un diable, c'est beaucoup plus petit. Là, pour la peine, c'est vraiment une planche. Tu te couches dessus et donc, du coup, effectivement, boum, c'est parti. Ça y est, ça roule. Et donc, il y a Roux qui va donc représenter la France. Sandro qui va représenter l'Inde. Attends, quoi ? On va avoir le premier tour. Ah, tu vas d'abord tester ? Non, parce qu'on m'a dit que c'était dangereux. Ah, dangereux, mais c'est pas dangereux. Le gars, il est décédé avec ça dans les vrais jeux, donc c'est pas grave. Hein. C'est pas si grave que ça. Bon, on va tester le dossier. Tout le monde est prêt. Il y a une petite descente. Je sais pas si vous êtes déjà venu devant la radio pour les auditeurs. Il y a une espèce de petite descente qui doit faire, j'en sais rien, mais qui doit faire 5 bons mètres. Et donc là, ils vont se lancer et théoriquement se casser la gueule. Hein. Et donc ça, c'est malheureux. Oui, très bien, parfait. Bah, attends, je vais reprendre le matériel alors. Non, mais attends, moi je vais. Ah, d'accord, ok. Donc alors, Roux, garde le micro, va rouler. Alors, il y a une petite et une grande planche. On va y aller, dès que le roux est prêt, du moins. Tu ne casses pas, Roux, tu sais que ça vaut cher. Il voulait attacher le micro autour de son cou, malheureusement, le gros casque l'empêche de le mettre. Bon, on y va, prêt, t'es Roux, t'es Roux. T'es prêt, Roux? Attends, mais il y a le téléphone qui est près du micro, là? Ah oui, merde, attends, je m'écarte. Voilà, c'est bon. Hop là. Ah bah oui, effectivement, je me faisais chier moi-même, dis donc. Je me saoulais moi-même avec le retour du son. Allez, on y va, c'est parfait, c'est parti. Le roux, donc, se couche sur la planche. Le roux va glisser et le roux va peut-être décéder, je ne sais pas très bien. Hein. Ah, on espère. Bon, bah on espère aussi. Roux, t'es installé, là? On t'entend ou pas? Ouais, on t'entend très bien. Parfait, est-ce que t'es prêt? Attends, ouais. C'est Sandro qui était en train de tenir la planche avec son pied. Sandro, à 3, tu lâches la planche. Eh mais les gars, faut me chronométrer, hein. Ah oui, je peux pas tout faire, hein, Roux, hein. Je peux pas être au téléphone et chronométrer. Jack, tu chronomètres? Si tu me dis top et fin, oui. Ah oui, je te dis top et fin. Attention, 3, 2, 1, top! Allez, on y va. Il est comme un con avec ses pattes. Attends. C'est la chute. Oh, il a dû se croûter là. Et ouais, et t'es pas arrivé au bout, Roux. Hein. Oh là là, et c'est perte de temps. Oh là là, et ça perd du temps, et ça perd du temps. Et ça perd du temps, et ça perd du temps. Oh là là là là là. Et qu'est-ce qu'on perd du temps, Roux? Oh là là là là, et c'est parti, il est reparti. Allez, vas-y, Roux. Allez, Roux. Il arrive au bout. Stop, dernier. Alors, combien de temps? 32 secondes. 32 secondes, c'est pas terrible comme score. Alors, je te confirme. C'est vraiment pas terrible, hein, parce que pour la peine, il était bien parti, mais le problème, c'est qu'en fait, il y a des barrières sur la descente. Sauf à un certain moment, il y a une ouverture qui permet de rentrer dans la radio. Quoi. Voilà, non, t'as deux escaliers, quoi. Ah, d'accord. Sauf que Sidio a réussi à tomber dans l'escalier. Et Dieu sait qu'il ne l'a pas fait exprès, hein. Je vous confirme les choses. Bon, Sandro qui, ça y est, a démarré, elle a mis son casque. Qu'est-ce que c'est que ça? On dirait qu'elle va sur la Lune. Attends, c'est quoi ce casque de dingue, là? Ah ouais, bon, c'est un casque pour aller sur la Lune. Bon, on y va. Ah oui, non, mais c'est celui de Pablo. Vous imaginez la tête de Pablo, hein. La taille, grosse, je veux dire. Grosse. Voilà. Oui, grosse tête de Pablo. Bon, Sandro. Oh là là là, elle chipote encore, il faut qu'elle négocie. Nul, ça la gêne. Mais oui, mais ça, on sait même pas de quoi elle parle, ça la gêne, je sais pas ce qu'il veut pas. Ah là là, ah oui, c'est-à-dire que le casque serré, le roux lui a enlevé comme ça, sans problème. Ah, elle le fait sans casque, elle. Alors, la couche, très bien, on y va. Sandro, t'es prête? Non, il faut être couché, hein. Parce que là, t'es en mode levrette, là. Là, t'es en position levrette. Bah non, il faut être allongé, sinon tu vas prendre le vent, là. Allez, ouais, il faut qu'elle négocie encore. Oh, c'est pas... Ah, voilà, ça y est, très bien. Parfait, donc elle a ses seins dans... Donc, Jack, tu parles à ses seins, là. Elle a le micro cool. Entre les seins. Bonjour. Attends. Je me fais plaisir un peu. Très bien, parfait. On y va. Attention. Tu te crois prêt, Jack? Ouais. 3, 2, 1, top. Allez, c'est parti. On y va. Va-t-elle se casser la gueule aussi? C'est bien barré pour qu'elle se pète la gueule, là, non? Non, c'est bon. Elle est... Ah, il est bête. Top. Elle a failli se mettre une... Parce que le problème, c'est qu'en bas de la piste, il y a un mur. Et quand tu t'arrêtes pas, bah, et comme elle a pas voulu mettre de casque, elle a failli... Heureusement que Polo était là pour la stopper. Elle a failli se... Bah, elle a failli voler dans le mur, en fait, tout simplement. Combien de temps, alors, Jack? 10 secondes. Ah, oh, pas mal. 10 secondes. 37. Ça a coupé le truc, par contre. Ah, le micro a coupé, malheureusement. Bon, c'est pas grave. Bon, donc 10 secondes pour Sandro, 37 pour Leroux, c'est pas mal. Attention, c'est la Belgique maintenant avec Toff qui va, essayer. Toff, oui, alors qu'il a une attelle, hein, faut le savoir. Tu me diras, le micro ne marche plus, hein, pour info. Hein. Tu me diras en même temps, c'est vrai que pour le coup, il doit juste être couché sur la planche, hein, il n'a rien à faire avec les jambes. Donc, c'est vrai qu'il peut le faire. Allez, on y va, le micro remarche ou pas? Non, il marche pas. Très bien, c'est parfait, on y va. Attention. Ah. Peut-être que le micro va revenir d'un moment à l'autre, on ne sait pas très bien pendant la course, on va voir. Attention, c'est bon, ça marche, Toff. Non? Non, ça ne marche pas. Allez, on y va. 3, 2, 1. T'es prêt, Jack, pour le chrono, en fait? Carrément. Ah bon, bah, très bien. Donc, il y avait 37 pour le roux, il y avait 10 pour Sandro. Est-ce que Toff va faire mieux? On ne sait pas, on verra. Toff, t'es prêt? Toff? Oui. Toff, mais qu'est-ce qu'il fout? Il veut absolument mettre le micro en marche. Bah, c'est ça, c'est vrai. Oui, mais c'est mieux, mais bon, le problème, c'est qu'il faut qu'il se reconnecte à je sais pas quel réseau, là, pour que ça marche. Et il fait perdre du temps. Oh là là là là là là. Bon, Toff! Non, mais ça charge, on n'a pas la nuit. Oh là là là là. Allez, on y va. Roux! 3, 2, 1, go! Allez, c'est parti, on y va. Stop, on arrête. Oh là là là là, le drame. Il y a le roux qui a sauté dessus, il a fait mal. Il a fait mal à Toff. Mal à la tête? Non, il a fait mal à la tête, il a fait mal au dos, parce qu'en fait, le problème, c'est que. il avait le matos et le micro qui était sous sa poitrine. Et comme Toff a sauté dessus, bah, t'as l'intercom qui est passé à la place de mon cœur, quoi. Ouais. Et Toff, il dit. Là, il a défoncé l'intercom. Bienvenue en 1982 à Radio France. Bon, donc, victoire de... Bah, pas victoire de Toff, ni victoire de Roux. Ah, victoire de Sandro. C'est l'Inde qui gagne. Voilà, effectivement, bah, c'est l'Inde qui a gagné pour la peine, effectivement. Bon, et ben voilà, on va rentrer maintenant. Hein. Et ouais. Nous traversons actuellement une zone de turbulence. Attachez vos ceintures. Si les naufragés de l'os devaient écouter une seule émission de radio... Émission de radio... Putain, 25 secondes pour parler, ou j'appuie sur la gâchette, mon pote. Ce serait celle de Michael et sa bande de paumés. 21h minuit. Les naufragés des ondes. Oui, allô? Bah attends, ça n'a pas encore sonné. Ah oui, pardon. Oui, allô? Oh putain, t'as pas laissé le bruit du décrochage. Mais non, oh là là. Fais le bruit du décrochage d'abord. D'accord, vas-y. Oui, allô? Oui, bonjour. Bonjour. chéri, c'est toi ? C'est Jonathan. Oui, c'est moi. Non, c'est pas Jonathan, c'est moi, c'est ta chérie, c'est Sylvie. Oh, quelle horreur. Comment j'ai pu épouser une horreur pareille ? Oh, mais non, mais dis pas des choses pareilles. Bon, qu'est-ce que tu veux, Sylvie ? En plus, tu dis ça, mais tu sais même pas qu'il y a des gens, ils me trouvent beau. Belle. Ah, ouais, ah oui, c'est vrai, ils me trouvent belle. Bon, qu'est-ce que tu veux, Sylvie ? Bah, je t'ai trompé avec le voisin, voilà. Bon, c'est pas grave. Voilà. Tu peux même aller, gars, va chez lui, oui, avec lui, ça me dérange pas. C'est tout ce que ça te fait. Ouais. Et tu gueules même pas, mais tu non, mais je suis pas, content tu... pour toi. Qu'est-ce que je te dis, t'es heureuse aujourd'hui. Mais non, mais... Avec ta voix d'homme. Mais oui, mais bon, non. Bon, Sylvie, mais... tu raccroches maintenant. J'ai un boulot, moi. Je t'ai fait concu. Je m'en fous, Sylvie. Allez, casse-toi. Le mieux, c'est qu'on écoute le vrai je t'ai fait concu, ouais. Parce que là, on a été un peu... On a été bon. Quel jeu d'acteur, quel talent. Con Florent, non? Docteur Studio. Chéri, je t'ai fait cocu. Chéri, je t'ai fait cocu maintenant. C'est bien mieux hein, dans le best-of de Mickaël. Et puis il y a Marion qui est là. On va faire un chéri, je t'ai fait cocu. Ça y est, c'est fait. Marion, 23 ans du 91. Que va-t-il se passer dans le chéri, je t'ai fait cocu? Est-ce que tu as déjà prévu, est-ce que tu as déjà une idée de ce que tu veux faire? Oui, j'ai une idée. Alors dis-nous, pourquoi tu nous dis ça avec une voix de chaudasse? Non, mais parce que c'est une cochonne, c'est mais tout. Oui, mais bien sûr. Combien mesures-tu? Combien mesures-tu? Moi? Oui. 1m64. Combien pèses-tu? Je ne dirais point. Quel est ton tour de poitrine? Je ne dirais pas. Et quelle est la taille de pantalon que tu as acheté? Ouais, je suis viré. Je ne dirai pas. Oh, j'espère que tu perdras la PlayStation. Oh, quel con alors. C'est dingue ça quand même. Bon, on y va, on l'appelle. Donc on va y aller, il n'y a d'accord. pas de problème. Donc ça va être quoi histoire? On est censé s'être rencontrés où? En même temps, tu aurais dû donner tes mensurations. Il faut quand même que je sache un peu qui tu dragues, quoi. Non, c'est bon, il n'y a pas besoin. Bah, en fait, dimanche soir, je partais chez des copines. Ouais. Donc voilà, et puis en fait, de ce fait-là, mes copines, on est parti voir des potes à elles que je ne connaissais pas. D'accord. On a un peu picolé, et puis bah, j'ai rencontré un mec, et puis bah, voilà quoi. Et puis il a pitié de toi et il t'a baisé. Voilà. On va voir ça comme ça, très bien. On va voir ça comme ça. Bon, on y va si on n'aura plus le temps. On appelle ton mec maintenant, Marion, c'est parti. D'accord. Allez, on y va. Oui, ça sonne, il est content. Allô? Allô? Allô? Ouais. Ça va? Et toi? Bah ouais, ça va bien, merci. J'ai l'air content. Ça dit quoi? Alors, ta journée? Bah, ça dit rien, je travaille aujourd'hui, je finis à 19h30. Voilà, quoi, un peu chaos, quoi. Ah ouais. Donc voilà. Et toi, ça va? Ouais, tranquille, hein. On est là, je sais pas. Ouais, t'en bas, ouais. D'accord, ok. Bon, bah, écoute, on va revoir. Hein. Je t'appelle juste, tu sais, dimanche. Tu sais, dimanche dernier, là, je suis partie chez mes copines. Chez Florian et tout, ouais. Ouais. Tu te rappelles? Ouais, tu m'avais dit ça. Ouais, et puis, bah, en fait, on est parti chez Flo et tout, et en fait, de celle-là, on est parti après chez des potes à elle. Et puis, bah, je me suis un peu mis mal, quoi. Beaucoup, même. Comment ça? Donc, comment ça? Bah, j'ai bu, quoi. Fin de week-end et tout, on profite, quoi. Après, la semaine, elle est dure, donc voilà, quoi. Et puis, bah, voilà, quoi. J'ai rencontré un mec et puis, bah, je me suis tapé, quoi. Je suis partie chez lui et voilà. Comment ça, quoi? Je pense que lui va être chaud. Mec, c'est quoi ton délire à toi? Bah rien, c'est bon, ça arrivait qu'une fois ou deux, c'est bon, c'est pas la fin du monde quand même. Comment ça, c'est pas la fin du monde, tu te fous de ma gueule en plus? Bah non, calme-toi bébé, c'est bon, je t'appelle pour te le dire, au moins je suis sérieuse quand même. Comment ça en plus t'es sérieuse? Il va démarrer lui. Bah, je sais pas moi, calme-toi, enfin je veux dire, je vois pas pourquoi tu t'énerves quoi, je veux dire... Attends, comment ça, je dois pas m'énerver, t'es marrante toi? Tu m'appelles tranquille et tu me dis ça comme ça, pépère. Bon, t'as fini, Marion, au téléphone, hein? C'est qui, ouais, lui, ouais. Hein? Eh, c'est qui, le gars? Attends, ne dis pas que c'est lui. T'as bêtophilie ou pas, non. Au téléphone? T'es avec qui? Eh, passe-moi le bambou. Passe-moi le narvalo, là. Dépêche-toi, hein, pas passer à lui non plus. C'est qui le narvalo qui parle comme ça, là? C'est qui le narvalo? Bah, c'est rien, c'est personne. Comment ça, c'est personne? Pourquoi tu dis que c'est personne? Attends, avec qui au téléphone? Tu déconnes ou quoi? Eh, t'es qui, toi? Allô? Allô ouais, c'est qui le gars là? Non, parle-moi à moi, arrête de parler au téléphone, t'es avec qui là? Toi, t'es qui toi? Bah, je suis avec lui quoi, avec mon ex quoi. Ah, avec l'autre gogol là? Quel autre groupe? Ouais. Ouais, mais c'est qui ce gars-là, là? Eh, hey, dis-lui qu'il se taise, là. Bah, hey, c'est lui. Écoute, c'est lui, là. Je suis chez lui, là. Comment ça, t'es chez lui? Bah, parce qu'il m'a appelé, je suis partie le voir, et voilà, quoi. Tu te fous de ma gueule, en plus? Bah, non. Non, mais attends, mais c'est la police que t'as au téléphone, là, qui veut savoir ta question, là? Lui qui ferme sa bouche, là, lui qui se tait. Hey, tais-toi, toi. Ferme ta qu'est-ce gueule. Qu'il dit? Qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il dit? Eh, va à la maternelle, tais-toi, là. Qu'est-ce qu'il raconte? Eh, mais c'est bon, t'es là. Tais-toi, là. Pourquoi il braille, là? Pourquoi il braille ton père? Il s'énerve, là? Ouais, bah oui, c'est là vraiment. Attends, je te le passe. Je te le passe et tu règles tes problèmes. Voilà. Allô? T'es qui toi? Bah mon pote, il faut te calmer, hein. Comment ça, je me calme? T'es qui toi? Mais t'es en train de m'insulter, tu sais même pas qui je suis là. Eh vas-y, puis je te pisse à l'arrêt toi. Mais attends, mais t'as un problème ou quoi? Excuse-toi un peu là. C'est toi mon problème, c'est toi. Je m'appelle Michel. Michel, j'en ai rien à foutre que tu t'appelles Michel, mon frère. Eh bah, déjà je suis pas ton frère. Ferme ta gueule, je te parle. Tu t'appelles comment? Il dit, si tu veux savoir mon blaze, il est marrant, c'est marrant. Bah vas-y, dis-moi ton prénom, t'as honte ou quoi? Je parie que c'est un prénom composé. Oh, en plus tu sais mon prénom, bâtard. Bah non, je parie que c'est un prénom composé, un prénom de Bourge. Un prénom de Bourge? Bah les prénoms composés, c'est les prénoms de Bourge. Attends, mais qu'est-ce que tu veux? C'est mon téléphone déjà. C'est quoi? Mange tes dents, je sais pas, va faire quelque chose. Tu veux que je mange mes dents? Vas-y, mange-les. Eh, moi je le connais Michel, et là je le vois, je te dis, la moutarde et le montonnet. Vas-y, monte, mets la mayonnaise avec, ça va faire un bon petit goût, enfoiré. Il est en train de s'énerver, non, mais là. Calme-toi. Eh, calme-toi. Mais comment déjà, ça, non, pas toi. Tu vas m'énerver, t'es marrant. Je toi, m'énerve. Toi. Là, il s'énerve, là, je le vois, et je le retiens. Est-ce pour toi que je le retiens? Vas-y, bah, retiens-le pour moi, vas-y, retiens-le, ça je va. Je fais ça, ça pour va. Toi, hein. Mais t'es qui, toi? C'est qui ces gars-là qui parlent, là, dans mon téléphone? Bah, je sais pas, c'est ses potes qui sont là. Déjà, c'est mon téléphone, c'est pas le tien, alors arrête un peu de calmer, là. Mais là, t'as vu, on représente Michel. Eh, Michel, va te faire. Sia. T'as rien dit, t'as vu? T'es là, t'as vu, Michel, t'es là, comment ça appelait, t'as vu? Nous, on a dit, ouais, tu fais quoi, Michel? Il a dit, ben, j'appelle le gars, t'as vu? Et là, direct, t'as une vénère qui fait les gogoles. Vas-y, c'est toi les gogoles. Michel, il veut te reparler, je te le repasse. Je parle pas à Michel, mais allô? Ouais, t'es qui, Michel? Qu'est-ce que tu veux? C'est Michel. Tais-toi. Je t'ai prévenu, je m'énerve. Là, je m'énerve. Vas-y, bah, énerve-toi. Ouais, bah, je m'énerve. Tu vois pas, là, je m'énerve. Vas-y, Michel, arrête de serrer les poings comme ça. Vas-y. Je m'énerve, je vais donner un coup de mon téléphone. Ça va pas tarder, je te le dis direct, ça va pas tarder. Tu vas te casser les os. Vas-y, nique ton téléphone. Eh, Marion! Arrête de quoi faire ça à l'envers. Je m'énerve. Bah vas-y, énerve-toi, il le mérite franchement. Je vais le taper lui, je vais tellement le il est vénère, Michel, il tourne en rond à l'envers. Il tourne en rond à l'envers, vas-y, je vais non, y aller. Non, vas-y, passe-le-moi, parce que là, il parle trop mal. Je suis en train de m'énerver. Énerve-toi, bah, je vais te passer. Ouais. Comment ça, toi, franchement, c'est quoi ce délire là? Écoute, là, t'as vu, je suis avec lui, il est avec ses potes, je suis avec ma pote Flo. T'as vu qu'elle est avec moi? Et donc, voilà quoi. T'as vu ou pas? Ouais, mais je vais vous frapper. T'as vu? T'es là, t'as vu? T'es là, tranquille. De toute façon, je suis pas chez moi. Donc, je rentrais tout à l'heure et puis, bah voilà quoi. Je veux dire, c'est pas la fin du monde quoi. T'as vu ou pas? Vas-y, c'est quoi? Vas-y, c'est bon. Mais ça fait qu'on est pas mariés, hein, déjà. Une folle, toi ou quoi? Bah, pourquoi t'es folle? Moi, je suis une folle. Bah, non, t'es folle. Ça fait qu'un an et demi qu'on est ensemble, on n'est pas mariés quoi. Voilà. Vraiment, en plus, on n'est pas mariés. Non, on n'est pas mariés. Je connais. T'as vu ou pas? Il y a une meuf qui parle en plus avec toi là. T'as vu ou t'as pas vu? Bah oui, c'est Flo. Oh c'est Flo. Comment ça? Passe-moi la Flo là. Je l'insulte aussi celle-là là. C'est quoi ce non, délire, mais non, t'as pas. Ouais, c'est ma pote. Tous ou quoi? Allô? Ouais, vas-y, je peux péter ouais, ton là-haut. Tranquille ou quoi? Oh, c'est de la musique. Oh, c'est quoi ça là? Hey, c'est quoi cette... Ça, c'est le son quand tu t'es fait fumer. Gros, mets du son là, gros. Quel son j'ai promis moi? Eh, mais vous êtes malades les gens là. Cette musique, quand le gars qui l'entend, c'est un bouffon. Tu l'entends, t'es un bouffon. Jean-Marc. Comment tu mets quoi? Qu'est-ce que tu fais? Jean-Marc, je parie que c'est quoi? Je parie que c'est quoi que je te baise à la PS3. Bah oh, oh. Comment ça tu me baises à la PS3? Il fait GTA dans ta tête. Tu paries que je suis meilleur que toi à la PS3. Il te péta ta voiture. Comment ça? Il a pas le permis. Ouais, j'ai pas le permis déjà. Oh, t'as ouf toi. C'est moi qui ai le permis, je me le trimballe. Oh, je connais un couple comme ça, quel bandeau. Ramène en claquette. Eh, hey, ferme ta bouche, Michel. Là. Ah, c'est des bouffons, les meufs qui ont les permis, les mecs, non. Bah, écoute, c'est pour pourquoi tu me parles, toi. Eh, Michel, il a son permis, il a une belle voiture, franchement. Ah, t'as vu un peu, moi. Et on m'a ramené dedans. Bon, je t'appelle Michel, il a pas de meuf. C'est bon, Jean-Marc. Eh, Jean-Marc, parle-moi mieux. Eh, je te jure, parle-moi mieux. Quoi? Jean-Marc. Quoi? Non, mais écoute-le, franchement, parle-lui. Attends, tais-toi, direct, toi. T'es une meuf, tais-toi, on va faire la vaisselle. Tais-toi. Eh, Jean-Marc. Quoi? Je t'échange la PS3 contre ta meuf. Bah quoi? Je t'échange une PS3 contre ta meuf. T'as craqué. Eh vas-y Michel, toi, Michel, fais péter la tribu de Dana là. Ah ouais, gratte en mode gros peurat. Bon Jean-Marc. Vas-y. T'es... Un douf dans le hip-hop. T'es sur énergie, t'es en direct à la radio, c'est le chéri, je t'ai fait cocu. Voilà, oui, allez, oh, ma gueule. Mais non, c'est pour ça que je te parlais de la PS3, on va te filer une PS3 pour le cadeau. Ça va, tranquille. Bah oui, je suis sérieux. Bébé, je suis là, allô. Bouffon, tout ça, t'as vu. Allô. Ouais. Bébé, c'est moi, c'était une blague. Faut faire des trucs comme ça. Hein. Ça va, PS3, quand même, c'est frais. En plus, je suis désolée parce que t'étais en vacances et tout, là, franchement, voilà. Ça va, quand il est en vacances, on va pas le plaindre non plus, hein. Non, mais c'est vrai, quand même, je veux dire, il y a un moment, on faut pas déconner, hein. Non, mais bébé, je t'aime et je te comprends jamais, t'inquiète pas. Oh, c'est mignon comme ça. Oh, c'est mignon. D'accord. Jamais avec une seule personne. Bah oui. Bon, Marion et Jean-Marc, je vous fais des gros bisous, les enfants. Bah ok. Bah, je vous file la PS3, je vous fais des gros bisous, à bientôt. Ok, c'est cool, okay. Bah merci. Salut à vous. Salut. À bientôt, ciao, bye bye. 21h minuit. Mickaël est sur énergie. Et sur mickaël.fm. Allez, maintenant, on vous laisse 3 minutes, juste le temps d'aller, d'aller pisser un coup. D'aller manger un morceau. Ouais, un petit sandwich au cornichon, ou le temps de, je sais pas, d'aller laver les vitres, j'en sais rien. Enfin, 3 minutes. On peut faire tellement de choses en 3 minutes. Ouais. Disque. Vous pouvez aussi l'écouter, le disque, si vous voulez. C'est conseillé. Rien ne vous en empêche. Et puis on se retrouve juste après sur Énergie. Si les habitants de Wisteria Lane dans Desperate Housewives devaient écouter une seule émission de radio, il n'y a pas de doute, ce serait celle de Mickaël sur Énergie. Mickaël, 21h, minuit. Bien plus désespérante que les embrouilles de Desperate Housewives. Et pour le moment, vous êtes avec Polo et Pedro pour le best-of de Mickaël sur Énergie toute la semaine. On est là jusqu'à vendredi. Alors profitez-en, puisque après, ça sera terminé. Mickaël revient avec tout le staff, avec Polo, Sandro, Toff, Roux, Jack, en fait tout le monde. C'est quoi ce bruit là, Pedro? Ah, c'est moi. Quoi? Oui, c'est mon ventre, c'est parce que j'ai un petit peu faim, c'est pour ça. T'as faim, bah, t'as qu'à aller au McDo, bah, t'acheter un petit truc, un petit burger. Oui, c'est vrai. Et mais tu sais, c'est vraiment pas mal le McDo pour ça quand même. Hein. Pourquoi? Parce que, quelle que soit l'heure de du jour ou de la nuit, quel que soit le pays où tu te trouves, je veux dire, McDo c'est vraiment le truc où il y en a partout dans le monde. C'est fait pour ça. Voilà, je crois qu'il ne doit pas exister un pays au monde qui n'a pas son McDonald's. Oh, à part peut-être la Roumanie. Islande. Non, en Islande. Ce que je crois que. Je sais pas, j'ai jamais été en Roumanie, mais moi je suis non plus. Sûr qu'ils doivent en avoir des McDo. Non, mais par contre, on était tombé il y a quelques temps de ça sur une info comme quoi, à cause de la crise économique, McDo allait fermer toutes ses salles en Islande. C'est vrai. Ouais, bon ben voilà, donc peut-être, j'irai jamais en Islande, hein, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On sait rien. Si on peut pas bouffer, si on peut pas bouffer un McDo boycott, en Islande, moi je boycotte, voilà. T'as raison, embargo, tout ça avec Pedro. Embargo d'hamburger sur l'Islande, moi j'y vais pas. Voilà, bon ben on parle maintenant de l'Islande, on parle du McDo, on parle de tout ça dans le best-of de Mickaël sur Énergie. Petite question de culture générale, est-ce que vous connaissez la capitale de l'Islande? C'est pas. Burkina Faso? Non. Bah oui, c'est pas mal ça. C'est pas Reykjavik? Reykjavik. Voilà. Bon, si je vous parle de l'Islande en fait, c'est parce qu'il y a une info qui m'a fait délirer là. Les Islandais ont vraiment pas de chance. Hein. Ah oui, non, ça je te confirme. C'est-à-dire qu'habiter un pays où on se les gèle 300 jours par an. Oui, non, mais c'est pas en ça. En plus, pays où tout le monde se branle. Oui. Personne sait où c'est. C'est au nord. Donc en plus. Bien, bravo. Mais non, mais moi j'aimerais bien y aller, hein, figure-toi. Hein. Moi aussi. Juste pour la journée et la nuit polaire. Mais bon, enfin bref. Non, mais c'est magnifique, il paraît, les paysages là-bas. Ouais. Ouais, grave. Je sais. Mais ça coûte très cher d'aller là-bas. Je te confirme, c'est pour ça que j'ai pas encore été. Hein. Bon, donc en plus de toute cette art-là, justement, dont on vient de parler, les Islandais. En plus, n'auront plus le droit de manger un bon gros McDo. Oh merde. Ouais. On en a parlé hier. Ouais. Il manque plus que les mecs bossent à Island Telecom et ils ont tout compris. Voilà. Bon alors, je vous explique. En fait, à cause de la crise économique, McDonald's est obligé de fermer en Islande. Et bah, il n'y a plus de sous. Donc forcément, c'est d'ailleurs le pays le plus frappé hein, par la crise. Sauf que du coup, imagine qu'on t'annonce que demain, McDo ou Quick ferme en France. Tu fais quoi? Bah, tu fonces chez McDo, tu t'éclates un gros Royal de luxe. Eh bah, les Islandais, ils font pareil. Du coup, les 3 McDo d'Islande sont tombés à court de Big Mac en un seul week-end, ils ont éclataient plus de 10 000 hamburgers par jour. Oh la vache. Et ouais, tellement ils étaient tristes que ce soit la dernière fois de leur vie qu'ils bouffent un hamburger. Ça peut donner des idées aux gérants de McDo France. Hein, ouais, genre on va fermer. Clair. Ouais, c'est clair. Oui, pour booster les ventes. Ouais, c'est ça. Voilà, ouais. Bon, enfin, soit dit, c'est pas bête. Hein. Aussi, c'est étrange la politique chez McDo. Alors, pendant que certains établissements ferment leurs portes en Islande pour cause de crise économique, d'autres refusent carrément de servir des clients et pire même, ils leur envoient les flics. Alors, ça se passe dans l'Utah, ouais. Et une bande de 4 potes qui décident de se faire péter du McDo. Du coup, direction le drive-in, histoire de manger dans la caisse. Et au moment de passer la commande, il leur vient une idée. Il faut une bonne vanne pouette-pouette et commande des pizzas à la meuf au lieu du McDo. Non, pas du tout, mais on n'est pas très très loin. En fait, ils décident de rapper leur commande. Mais attention, ils font ça bien avec le beat et les rimes et tout le merdier. Ah, on a d'ailleurs, en fait. Ouais, exactement. On a l'extrait justement du moment où ils passent leur commande. Écoutez. Big Mac. I need a double cheeseburger and hold the lettuce. Don't be front sun, no seeds on the bun. We be up in the drive-thru, order for two. I got the craving for a number 9, lock my shoe. We need some chicken up in here, in this sizzle. A little of my mizzle, extra salt on the frizzle. Dr. Pepper, my brother, another for your mother. Double, double, super sad, and don't forget the fries. Ta mère. Et un double cheeseburger pour nous. Ouais. I'm sorry, I only caught double cheeseburger. Et donc à la fin l'employé du drive-in leur répond qu'il n'a rien compris sauf les deux cheeseburgers. Du coup ils doivent répéter la commande et ils décident de re-rapper et forcément ça n'a pas du tout plu au gérant et à l'employé de chez McDo. Hein. Et c'est là que les cow-boys arrivent. Hein. Ouais, oui, les flics débarquent et collent une belle amende à nos quatre rappeurs de burger. Oh. A priori l'employé s'est senti en danger et en plus le rap a soi-disant provoqué une file de voitures dans le drive-in. Putain, n'empêche c'est bon le délire là, faudrait qu'on teste. De quoi, tu veux rappeler la commande? Bah ouais, franchement, faut le faire. Bah écoute, pas de problème, mais prépare-toi, ça va vite. On va se rapper des commandes, ouais. Mais on va devoir appeler les pizzeriens, ouais, parce que forcément, marchand hamburger, c'est plus compliqué. Ouais, mais on s'en fout, ça, c'est pas grave. Oui, on va le faire dans un instant. Ce qui serait marrant, c'est que la meuf au téléphone aussi, elle lui réponde en rappant. Je te confirme, ça pourrait donner quelque chose comme ça, par exemple. Mario, una margarita pour la table 5. Quoi, il y a plus de champignons? Ah ben viens gratter sous mes pieds, il y en a plein de champignons. Ah, c'est dégueulasse. Ciao, moi c'est Sandra, je suis pizzaiolo. Mais comme je suis une femme, appelez-moi pizzaiola. Mon kiff c'est de faire sauter la pâte à pizza, olé. J'ai toujours aimé ça depuis que je pisse au lit. Mon patron c'est Mario, Marie à Maria. Marion est sa maîtresse, mais il l'a fait mariner. Il dit à ses clients qu'il est italiano, mais tout le monde voit bien qu'en vrai il est somaliano. Mais c'est pas facile de vendre de la pasta quand on est somalien. La spécialité chez moi, c'est le riz. Quand Mario n'est pas là, je m'occupe de la cuisine. Mais franchement, je me fais chier, on se croirait à l'usine. Alors pour m'amuser, je mets de la coque dans la farine et j'agrémente l'huile piquante avec de l'urine. C'est occupé, c'est bon, la pizza elle arrive dans 2 minutes. Quand un client fait honte, je crache sur sa commande. Mais il s'en rend pas compte, en plus il en redemande. Si je suis très énervé, j'y mets des crottes de nez. Et quand je n'en peux plus, il m'arrive d'y chier dessus. Bon appétit, bien sûr. Eh oui, bien sûr. Bon, voilà, ça c'était les raps des métiers qu'on faisait l'année dernière et que vous pouvez réécouter sur mikl.fm. Voilà, n'est-ce pas, Toff? N'est-ce pas? Bon. Bon, on appelle maintenant Dominos? Allez. Vas-y. Allez, ça va être chaud, là. En l'occurrence, c'est toi qui dois y aller. Hein. Ok. Bon, on y va. Alors, Dominos 17, 09 ou 12 dans l'arrondissement, je parle. Vas-y, peu importe. Bon, très bien, parfait. Bonjour, donc pour vous servir. Oui, bonjour, c'est pour une commande. Que vous allez venir chercher? Ouais. D'accord, je vous écoute. Ouais gros, fais péter le cheesy bread pour commencer. Allonge des onion rings en guise d'entrée. En résistance, une bonne grosse margarita avec la sauce piquante et une taille de coca. Si ça arrive froid, je te préviens, ce sera sanglant. Ton livreur, s'il revient, ce sera son sédan. C'est tout pour ma commande, vas-y répète, je suis sûr qu'il y a rien qui manque. Oh là là. Vas-y, répète. Ah, c'est bien, ça fait toute la pizzeria. Neuf de cheesy. Cheesy bread, t'as vu? Bah alors, vous avez capté la commande ou pas? Pardon? Vous avez compris la commande ou pas? Non, vous êtes sérieux ou c'est... Ah, je peux la refaire si vous voulez. Non, mais ça sert à rien. Allez, je peux y aller. Oh, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Ou un gros fait péter le cheesy. C'est trop tard. Il est bravo, parti. Je dis bravo. Bravo, Jack. Ouais, bravo, mais par contre, Domino, tu aurais pu faire un effort. Mais non, mais c'est vrai, t'es au téléphone, ils doivent rien comprendre, les pauvres. Mais oui, mais bon, quand même. C'est-à-dire que déjà, quand t'appelles et que tu parles normalement, tu dois répéter deux fois pour être sûr qu'ils comprennent. Il suffit que le mec, il aime pas son taf en plus, et là. Ouais, c'est clair. Bon, allez. On rappelle maintenant, on va au Domino's Pizza, on va. Alors, où ça Boulogne, Sèvres ou ici les Moulineaux? Tu veux, je m'en fous, t'as vu, c'est la même. Allez, Boulogne, on va chez Micha. C'est partout la même. Hey, t'as pas un autre instru de Booba? Non. Merde. Attends, faut prendre un autre instru, prends un instru du 9-3. Je suis dans le 9-3 là. Sinon, tu fais du bebop là, je sais pas. Oh, il est sous. Allô? Beatbox. Oui, bonjour. Oui, bonsoir. Ce serait pour commander une pizza, s'il vous plaît. Désolé, on est fermé. Je peux pas vous passer ma commande quand même? Non, désolé. En entrée, un petit Mozart là. On vient péter le beat. Après ça, ça sera. Cheesy. Allô? Allô? Dès que je commande Pizza Hut, y'a les traiteurs qui s'incrustent. Une super une lover et une crie. Non, laisse tomber la fine. Ça fait dep. Change-la pour une végétarienne. Allô? Avec la salade. T'es toujours là? Non. C'est le dessert. Elle est partie. On n'a pas réussi à aller jusqu'au dessert. Hein. C'est dommage. Eh oui, c'est dommage. C'est qu'à le dire. Bon, ben tant pis, c'est pas grave. Hein. Ça a marché, on s'en fout. Ouais, c'est vrai. On a été jusqu'au bout. En tout cas, t'as eu l'occasion d'aller jusqu'à la fin du rap quasiment. Ouais. Non, j'ai pas fait. En dessert, j'engloutirai une boîte de pépites. J'ai pas de pépettes, du coup t'inquiète, je paye par chèque. Ah ouais. Bah non, effectivement t'as pas eu le temps alors. De la rime de ouf en plus. Quoi. Ah ouais, de la rime profonde, t'as vu. Du vrai vers, t'as vu. Ouais, t'as vu. C'est ouais. Ça, c'est le peurat, t'as c'est vu. C'est comme on est Claude là. Monet, t'as vu, hein, c'est un bon poète. Ouais, c'est surtout qu'il est peintre, mais t'as vu, c'est pas grave. Ça bat les couilles, t'as vu. En même temps, les poètes, c'est quoi? C'est des peintres de la de l'écriture, papier, t'as vu. Voilà, ouais, bon, on l'a bien vu, ouais. 21h minuit. 21h minuit. Michael. C'est Mickaël sur Énergie. Ouais, Polo et Pedro surtout. Hein. J'aime bien le rappeler. Je sais que ça vous saoule un peu, mais moi j'aime bien qu'on remette les choses, remette l'église au milieu du village. Voilà, exactement. Et d'ailleurs, pour vous prouver que c'est bien nous, vous pouvez nous envoyer des. Enfin, je sais pas en quoi ça le prouvera, mais vous pouvez nous envoyer des mails à pedro@energie.com ou polo@energie.com ou par SMS au 6-11-12 code MEX. Et puis on vous rappelle qu'il y a aussi le site internet de l'émission à mickaël.fr. Voilà. Et là-dessus, vous pouvez aller voir toutes les photos et toutes les vidéos. De ce que vous entendez là depuis tout à l'heure, depuis lundi, tous les extraits qu'on vous passe, et ben il y a tout en images sur le site amikael.fr. Bougez pas, on revient dans quelques minutes dans ce best-of. Zone de turbulence, attachez vos ceintures. Si les naufragés de l'os devaient écouter une seule émission de radio. Putain, 25 secondes pour parler, ou j'appuie sur la gâchette, mon pote. Ce serait celle de Mickaël et sa bande de paumés. 21h minuit. Les naufragés des ondes. Toujours dans le best-of, Polo et Pedro sur Énergie pour vous accompagner jusqu'à la fin de cette semaine, puisque les autres sont en vacances et que nous, on est restés là pour travailler, hein? Qu'est-ce que c'est encore ce bruit là? C'est encore moi. Qu'est-ce que t'as? C'est mon ventre encore, j'ai faim, j'ai pas eu le temps d'aller au McDo donc. Quoi? Il y a du Nutella là-bas? Où? Le petit placard là. Là? Ouais. Ah d'accord. Et ouais. Tu ouvres ça et tu te fais des tartines, je sais pas, me dis pas que t'as pas trop. Ok, bon, j'y vais. Voilà, bon, on écoute la suite du best-of de Mickaël. Vous êtes sur Énergie, Polo et Pedro, pour vous servir. Il y a David qui est là, 25 ans maintenant de Nancy. Salut David. Salut Mickaël, salut toute l'équipe. Comment salut, ça va? Salut. Bah ça peut aller. Ah bah non. Ça a l'air de trop taquer aussi, dis donc à toi. Hein. T'as passé une bonne journée? Dur, je suis encore sur la route là. Ah bon, merde, tu fais quoi dans la vie? Routier peut-être. Je transporte des marchandises, on va dire. Parce que je suis pas routier, c'est pas le permis pas lourd, mais. Ah ouais, t'es en camionnette quoi? Hein? Tu transportes en camionnette? Voilà, ouais, c'est ça. D'accord, ok. Et tu transportes quoi? Bah, de la drogue. Des produits toxiques, des produits illicites, des cigarettes contrefaites, enfin tout ça. Voilà, c'est des trucs que j'ai pas le droit, en fait. Ouais, bien sûr. Go fast, hein, faut le savoir. C'est ça, go fast, en camionnette, ouais. Bah, c'est pour avoir une putain de camionnette, déjà. Non, je fais un peu tout, en fait. Dès qu'on m'appelle, je vais chercher un colis, je le ramène à un point B. Ah, tu es le transporteur. Voilà, en gros, c'est ça. Est-ce que tu marches aussi bien que la poste? Mieux. Ouais, c'est pas dur, hein. Te vends pas. Moi, si tu me donnes une lettre, je te la ramène pas au bout de 100 ans, quoi. Ouais, mais au bout de combien de... Ouais, mais à quel tarif aussi? Parce que la poste, c'est combien? C'est... Je sais même pas combien ça coûte envoyer une lettre. Une lettre, c'est 56 centimes. 50... Combien tu demandes pour envoyer une lettre? Si tu en envoyais pas à la radio, tu saurais. En même temps, une lettre, je vais pas trop me déplacer pour une lettre. Ouais. Et là genre, on t'a filé quoi? On t'a filé quoi à transporter là? Un cadavre. Il sépare ou il ouvre pas le paquet? Ouais. Bah, la poste, elle le fait, hein. Oui, mais le transporteur, non. La poste est lourde, hein, là, le paquet pour voir ce qu'il y a dedans. La poste est lourde et elle garde en plus. Ouais, ouais. Bon, David, on va parler de quoi dans un petit instant avec toi? Ben, moi j'aurais voulu avoir des conseils parce qu'en fait, ça fait un moment que je suis marié avec ma femme et là depuis un an et demi, elle n'arrête pas de s'empiffrer de Nutella. T'es marié avec son... Mais c'est un peu dans le même genre, ouais. C'est quoi, elle ressemble à un pot de Nutella maintenant. Voilà, un peu, voilà, un peu dans le style là, ouais. Parce que maintenant elle attrape des bourrelets et tout. Et, Ouais, enfin, faut ça pas en arrive. Acheter, hein. Y a pas d'autre solution. Ouais. J'arrive même plus à avoir de relations sexuelles avec elle, tellement elle me détourne. Attends, en fait. Ça va, elle a pas un big. Elle a pas un ventre aussi gros que t'arrives pas à rentrer quand même, pas déconner. Mais c'est pas ça, c'est juste que la bouche, elle a pris 30 kilos, ça le dégoûte, c'est normal. Oui. Voilà, en gros, elle a pas pris 30 kilos, mais elle a pris pas mal de rondeur. Ouais. Et vous avez des enfants? Ouais, on en a 4. Ah ouais, donc déjà ça explique aussi. Et ils sont tous les 4 de elle aussi? Bah, en fait, il y en a 3 qui sont de elle, il y en a qu'une qui est de moi. Une meuf qui a eu 3 gamins. Ah, c'est ça, elle est déjà un peu. Enfin, sans vouloir être méchant, elle est un petit peu déformée par rapport à la version d'origine. Elle est c'est complètement déformée. Ouais, non. Il est temps de prendre une neuve, il est temps de prendre une neuve. Vire celle-là, divorce. Non, de la retaper. Ouais, la non, retaper, mais ouais. C'est une esthétique. Ouais, au sport en fait, tout simplement. En fait, ça fait un an et demi qu'elle mange du Nutella constamment. Mmh. Bon, c'est pas qu'elle est enceinte déjà, c'est déjà ça, non? Non, c'est sûr, elle est pas enceinte. Et ça dépend, c'est même des fois dans la nuit, elle a un coup de speed, elle se lève la nuit, elle va manger un peu de Nutella. Ouais, parce mais là, c'est chaud là. Mais pourquoi vous en achetez? Elle veut arrêter aussi ou pas? Non, elle n'a pas envie en fait. J'ai essayé plusieurs choses et. Attends, elle doit quand même. Attends, j'ai l'impression qu'on parle d'une meuf qui fume, tu vois. Non, elle a pas envie d'arrêter, non, elle aime bien et tout. Oh, non, mais le Nutella, c'est ah, ça. Ah oui, hein. Non, mais attends, il y a un moment, tu sais. Parce que, encore la clope, je sais qu'on en a parlé il y a 2 jours, mais tu te rends pas compte que ça te fout que ça te fait de la merde, des cancers, tout ça. Le Nutella, tu vois. Enfin, Nutella ou tout le reste, tu vois que tu grossis, donc tu le vois quasiment instantanément, tu vois. Oui, donc... mais ça la gêne peut-être pas de prendre du poids. Ouais, ça la gêne pas du tout, elle. Elle s'en fout maintenant qu'elle est casée. Ouais, c'est ça, elle a déjà 4 gosses. Mais il faudrait que tu lui fasses un peu peur. Bah ouais, bon, j'ai déjà essayé pas mal de choses. Il y a même des potes à moi qui ont essayé de lui faire comprendre et tout. Non, mais des potes, j'imagine. Ouais, la grosse, t'arrêtes de bouffer du thé ou quoi? Bah ouais, pas comme ça. Ils ont eu fait comprendre que avant, bah moi j'étais toujours pour les filles affines, comme elle était quand je l'ai rencontrée, qu'il n'y avait pas de. Ah, mais là, c'est parce qu'elle s'est endormie sur ses acquis. Elle sait qu'elle t'a à vie, maintenant elle s'en fout. Bah ouais, je pense que ça doit être ça. Moi, je te propose de ramener ta maîtresse une ou deux fois à la maison, ça va la faire réfléchir. Non, par contre, ce qui peut être bien, c'est lui mettre un coup de pression. Hein. Lui mettre un coup de pression dans le sens où tu la quittes. Bah, j'ai déjà essayé ça, elle m'a dit, moi, je marche pas au chantage, machin. Ah oui, bon, bah. Non, parce que ouais, la quitter, c'est un peu gros, mais. Non, pas la quitter, mais genre vouloir faire un break, enfin, tu vois. Un ultimatum, quoi. Ouais, vraiment, voilà. Tu lui dis, tu discutes, tu la prends vraiment sérieusement et tu dis, écoute, vraiment. Et tu peux la prendre, hein. Prennes vraiment ça au sérieux, tu grossis à vue d'œil, prends-la en photo, je sais pas. T'as pas des photos avant après. Peut-être que ça te dérange pas toi, mais moi, vraiment, ça commence à jouer aussi sur. Traite la sale grosse. Sur mes envies sexuelles. T'es con, quoi. Elle fait quelle taille pour quel poids? Elle fait 1m65 et presque 80 kilos maintenant. Oh, oui, donc ça commence à devenir dangereux pour la santé. Il y a peut-être cet argument-là aussi. C'est obèse, non? Je suis pas obèse. Ah, bah pour une meuf, si. Pas mal, ouais. Obèse, non. Pour une meuf, c'est quoi, 1m60 kg? 1m65 et 80 kilos. La meuf, elle est pas très très grande. Elle est pas, ouais, mais elle est pas obèse. Ouais, enfin, elle doit pas être. Faut pas déconner, quoi. Elle doit pas être moche, je pense. Elle est bien en chair, on va dire. Ah, ouais, bah 80 kilos. Elle est grosse, quoi. Elle est grosse, mais elle est pas obèse. Elle est en surpoids. Ouais, elle est large. Elle est en. Bah, de toute façon, Jack va vérifier avec. Surpoids excessif. 80 voilà, kilos quand même, hein. C'est chaud hein, pour 1m65, enfin bon. Bon et... Surpoids à la limite de l'obésité modérée. Ah d'accord, oui, obésité modérée. Elle a un IMC de 29 et à 30 t'es... T'es en surpoids, non, t'es en obésité modérée, d'accord. Bon bah déjà tu peux lui dire ça, tu sais David, tu dis encore un kilo et t'es obèse. Hop là, tu vois déjà ça m'a un coup de pression ça. Ah ben bah, j'ai déjà même essayé de lui dire que c'était trop grosse. Que c'était une grosse vache. Ouais, mais enfin, je suis pas sûr que ce soit non plus la bonne manière de le dire. Hein, ouais, mais si tu l'appelles la grosse tout le temps, ça va peut-être l'aider. Hein. Non, mais quoi, non, regardons. Elle a des angoisses en ce moment ou des trucs comme ça? De quoi? Elle a pas des angoisses en ce moment ou du stress? Bah non, parce que si elle se coiffe vraiment de Nutella, c'est qu'elle comble un truc peut-être. Non, je sais pas, du stress, non, je pense pas, parce que bah, maintenant on habite dans une belle maison et tout, alors qu'avant, c'est justement avant qu'elle aurait dû stresser ou quoi. Bah non, mais ça veut rien dire si des fois un changement brutal, ça peut jouer aussi, hein, ça peut. Tu sais, le cerveau, tu comprends jamais pourquoi ça part. Hein. T'as pas trouvé le mot là. Non, elle a eu du mal. Non, parce que je pensais aussi aux anorexiques, à l'anorexique, et parce que j'ai une copine d'une copine qui est anorexique, et on me disait que c'est parce que ça partait souvent d'une malheureuse phrase. Un mec un jour lui a dit: ouais, t'es super belle, t'es parfaite et tout, mais bah, t'as peut-être un peu trop de ça, par exemple, trop de cuisses ou machin. Ouais. Et tu peux partir en live comme ça, quoi. Mais attention, à côté de ça, il a mis un truc là-dessus aussi. Il a dit: ouais, avant, justement, on n'avait pas des trucs, on était dans un petit appartement. Là, maintenant, elle a une vie aisée, puisqu'elle a son mec, elle a ses gosses, elle a une belle maison. Mais il y a eu un changement. C'était justement le laisser aller. Ouais, bah oui. Voilà, c'est peut-être ça aussi. Elle a son gosse, sa maison, son mari, c'est bon quoi. Si elle voyait qu'elle prenait trop de place dans un petit studio, là, peut-être qu'elle aurait arrêté le Nutella. Non, là, là, là. 21h, minuit. 21h, minuit. Mickaël. Mickaël est sur Énergie. Et sur mickaël.fm. Alors, Pedro, c'était bon ce Nutella ? Ah, tu m'en as laissé, c'est j'espère. C'est vraiment un kiff. Tu m'en as laissé ? Ouais, je t'en ai laissé un fond, ouais, t'inquiète. Un fond ? Ouais. Un fond, ouais, tel un fond de veau, mais là c'est un fond de Nutella. Bon, bah, le Nutella, c'est vraiment le truc quand tu. Enfin, tu dis non, je vais pas en manger, c'est bon, c'est pas. Et après, une fois que t'en as goûté une cuillerée, c'est dur. Tu peux plus t'arrêter. Ah, tu peux plus, tu tapes le pot parfois. Bon, bah, ce qu'on va faire, c'est qu'on va y revenir, hein. Ouais. On va revenir là-dessus, hein, obligé. On va surtout hein, mettre un disque là, comme ça, je vais aller me faire une petite tartine, moi, je veux pas que ça. Ok, hein. Pas de soucis. Je vais chercher du pain pendant ce temps-là. Allez. Bon, on va parler de Moundir. Ah, bah oui. Bon, l'aventurier de l'amour. Surtout Jack. Bon, allez, on y va. L'aventurier de l'amour qui, ben voilà, depuis 3 semaines, cherche finalement une meuf. Hein. Finalement, c'est que ça l'émission, quoi. C'est le Bachelor version Moundir, quoi. Par contre, je suis assez déçu parce qu'il y en avait des bonnes dedans et il les a déjà têches, quoi. Il y avait des moches, hein, aussi. Ouais, mais il les a gardées. C'est vrai que la plus jolie, il l'a giclé dès le début. C'était qui? Comment ça s'appelait? Ouais. Ouais, on se souvient de son cul, mais pas de son nom. Ouais, c'était une métisse. Ouais. Je sais plus. Bref, et donc depuis 3 semaines aussi, Moundir nous régale avec des expressions bien à lui. Alors, ce qui est drôle, c'est que c'est pas le seul. Hein. Apparemment, il a fait des émules dans son émission. Moundir, je pense que c'est vraiment mon chevalier sauvage. Chevalier sauvage. Ah, elle a peut-être fait exprès de dire ça. Ça veut rien dire. Parce que ça lui va bien, Moundir. Ouais, c'est vrai qu'on imagine mal Moundir en servant. Hein, chevalier servant, mais bon. Chevalier berbère. Et donc, Moundir doit choisir parmi 14 meufs. Alors, d'entrée de jeu, on sentait qu'il avait des préférés, hein, notamment Inès et Marie. Et il le dit ouvertement, puisque voici ce qu'il pense de Marie. Rien qu'un sourire, c'est. Elle envoie 40 degrés déjà. Elle sourit, tu te chopes un coup de soleil tout de suite. Il recommence. Sourit, tu te prends un coup de soleil. Bon, alors, Inès, elle s'en va à la fin de l'épisode de hier, hein, parce qu'elle en peut plus d'être loin de Marseille. Voilà, elle s'est rendue compte qu'elle était amoureuse d'un autre mec. Alors, où est le même problème? Voilà. Vachement. Quant à Marie, ben, Moundir lui a mis un gros coup de pression, hein, c'est-à-dire qu'en gros, au moindre faux pas, il la vire. Bon, du coup, voilà, il a dû se trouver deux nouvelles préférées. Et dans ces nouvelles préférées, il y a Clémence, qui est la meuf la plus normale qui existe sur Terre, à qui il roulera une pelle dans l'émission. Il y a Cinda aussi. Pardon ? Comment tu le sais ? Ouais, parce que je l'ai vu l'émission. Ah, dans l'émission d'hier. Je te rappelle l'émission d'hier. Donc il y a Cinda aussi, et puis il y a Sabrina, la blonde siliconée, à qui il roulera une pelle aussi d'ailleurs. Donc ça fait deux sur les trois. Il roule des pelles à tout le monde quasiment. Quoi. Ouais, là il commence à se lâcher un peu. Bah il en profite, il a raison. Et donc les filles sont jalouses entre elles. Du coup, quand Moundir s'apprête à dîner en tête à tête avec Cinda, bah t'as Sabrina. Cinda ? Cinda, elle s'appelle, ouais. À quoi c'est les parents, ils ont eu la langue qui a fourché quand ils sont à la mairie. Non, ils avaient pas assez de cases, du coup, parce que le mec il a raturé 3 fois, donc. Et donc quand il va dîner en tête à tête avec Cinda, t'as Sabrina qui vient râler du fait que Sabrina qui vient râler du fait que Moundir offre une rose à Cinda. Toi, tu vas lui offrir une petite rose et moi. Non, je t'offrirai un arbre si tu veux. D'accord. Ou un pommier. Un pommier. Il est très fort. Hein. Un pommier. On n'entend pas à la fin, il dit. Toi, tu vas lui offrir une petite rose et moi. Non, je t'offrirai un arbre si tu veux. D'accord. Ou un pommier. Je vais faire un arbre. C'est original. Super. Donc là, bon, Sabrina se barre. Cinda arrive pour manger en tête à tête avec Moundir. Quand Cinda arrive, alors là, c'est l'apocalypse. Même les alligators sortent de l'eau. Il y en a pas faim, on sait pas. On sait pas. Donc, ben voilà, sous-entendu donc que Cinda est bonne, sauf que c'est un lover, Moundir. Et du coup, ben, il décide plutôt de la complimenter sur sa tenue. Franchement, j'ai pas beaucoup de robes. Hein. Je suis plutôt jean. Ça te va bien, celui que t'avais la dernière fois lors du dîner était pas mal. Surtout avec le regard que tu me faisais. Ouais, ce jean, mets tes yeux en valeur, c'est drôle. C'est le jean qui se trouve quand même à la moitié du corps en dessous. Hein. Bon, le dîner avance, hein, du coup, bah, Cinda et Mundir parlent et échangent leur point de vue sur les femmes et les hommes. Je veux un homme, je te l'ai dit, un vrai. Un homme vrai, de bras, de jambes. Oui, mais... Oui, c'est mieux. Un vrai homme à deux bras, deux jambes, ça s'arrête là. Faut mais pas chercher tête, plus loin. Par contre, vous avez remarqué. C'est n'importe quoi. Bon, enfin, le dîner avance et là, Cinda, elle attaque quoi. Elle passe la seconde, elle passe en mode séduction. Tu représentes un peu pour moi l'homme idéal. En train de me parler, ça me. Il y a les volcans d'Auvergne qui commencent à monter quoi, tu vois. Les volcans d'Auvergne. D'Auvergne qui commence à monter. C'est joli. Franchement, s'il vient, on va faire un vote pour savoir quelle est la meilleure expression de Mundir. Ah non, mais il va me régaler là. C'est mon idole. Et alors, Mundir n'en peut plus. Hein, il se fait rentrer dedans par Cinda. Donc fatalement, au bout d'un moment, les hormones font travail. Hein, les volcans d'Auvergne montent. Et du coup, il veut lui faire des trucs bien sales et bien cochons à Cinda. Donc je te plais. Bah oui. D'accord. Mais me regarde pas comme ça parce que je vais t'apprendre à nager sinon. Oh là là là là là. Je vais t'apprendre à nager. Ouh, l'obsédé sexuel. C'est ça. Donc finalement il ne se passera. Peut-être nager dans son foutre. Ouais. Finalement il ne se passera rien. Il lui apprendra même pas à nager. Hein. Et en revanche la semaine prochaine, bon, on n'est pas à l'abri qu'il y ait beaucoup d'action puisque Mundir emmène les filles à Las Vegas et dans la bande annonce on y voit pas mal d'alcool, de stripteaseurs et des portes de chambres d'hôtel. Si Jack Bauer devait écouter une seule émission de radio pendant 24 heures alors qu'il sauve trois fois le monde, deux fois sa fille, et tout ça sans pisser, ni manger, ni dormir, il n'y a pas de doute, ce serait celle de Michael et sa bande de terroristes. Michael, 21h minuit, bien plus improbable qu'une journée de Jack Bauer. Et maintenant, dans ce best-of de Michael sur Énergie, on va revenir sur le petit souci de David. David, notre ami transporteur en camionnette qui avait un petit souci avec sa meuf. Ah oui, oui. Sa copine qui grossissait. Qui grossissait, Qui grossissait, qui grossissait. En fait, je répète ça parce que ça m'avait marqué à l'époque. Il a répété ça comme si elle allait exploser à un moment donné. Elle grossissait, il marquait le grossissement. Bref, on revient sur cette histoire, voir s'il y a des auditeurs qui ont pu lui trouver une solution. Bon, on va reprendre David avant de parler de la ferme. David qui nous avait appelé de Nancy parce que sa meuf grossissait. Enfin, et là, elle a explosé, quoi. Donc... Non. Il va en prendre une autre. T'es toujours là, David ? Toujours là, ouais. Bon, parfait. Et il y a Miss Pepito qui m'a envoyé un mail qui dit « Je me permets de donner des conseils pour David. Personnellement, je suis ce qu'on peut qualifier d'en surpoids. Enfin, voilà, mais c'est pas de moi qu'on parle. Effectivement, je pense qu'il est possible que le travail de David la fasse se sentir seule et donc elle comble avec de la bouffe. Il est aussi probable que ses enfants lui fassent se sentir stressée ou bien même qu'elle soit angoissée. Au lieu de lui dire « T'es grosse », il pourrait parler de ce qu'elle ressent ces derniers temps. Personnellement, je sais que la nourriture me permet de combler certains manques affectifs. Mais c'est pas une raison pour être moche. C'est ça le problème qu'il lui achète un god. Ouais, ça va tout arranger ça. Ouais. Bon, attends, il y a. Sandro, t'échangerais un god contre. Un pot Nutella contre un god ? Non. Ouais. Tu vois, non, malheureusement, t'es fou. Ah non, mais je suis pas fan du god, moi. Bon, bah. Surtout que le pot Nutella peut servir accessoirement si vous avez un gros vagin. Ouais. Ce qui n'est pas mon cas et Dieu merci. Des boules de geisha. Hein ? Des boules de geisha. Non, rien. Bon, très bien. Tu disais, Jack ? C'était hier dans Enquête Exclusive, t'avais des passeurs de drogue entre le Maroc et l'Espagne. Ouais, ils se les foutaient dans le cul. Les meufs, elles se mettent des œufs. Ouais. Dans le cul, ouais. Mais de 900 grammes, pas dans le cul. Dans le vagin. Ouais. Mais combien le cartage de 900 grammes. La drogue, c'est ça. Tu me diras, t'as un gosse qui sort par là. Donc mais oui, il y a la place. Si t'arrives à rentrer un gosse, tu peux rentrer 900 grammes. En général, il sort. C'est dur comme du bois et tout. Et en plus, il racontait que tous les trafiquants l'avaient touché. Ah ouais, il mettait ça dans du cellophane. Et... Combien ? 900 grammes. Ouais, mais il peut en mettre combien des œufs 900 grammes ? Le maximum, la prise maximale qu'ils aient fait, c'est 1,2 kg. Oh putain. 1,2 kg dans une chatte. Oh, c'est très dangereux. La violence. Ah ouais, franchement, ouais. Ouais. Bah, est-ce que c'est le plus dangereux là ou d'avaler les sachets? Avaler quand ça se fait, tu crèves. Hein. Ouais, voilà. Mais là-dedans. Ah, c'est sûr. Hein. C'est sûr. Ouais, ouais. C'est sûr. Ah oui, bah tu m'étonnes. Ah, le vagin aussi, j'imagine. Non, je sais pas. Peut-être t'accouches d'un dealer. T'accouches d'une plante. Je sais pas. Bon, Anne qui a 21 ans maintenant, du 82. Salut Anne. Salut Mickaël, salut toute l'équipe. Ça va bien? Salut. Ça va, super. Bon, eh ben, bienvenue à toi, Anne. Merci. Tu voulais réagir à David, toi, par rapport à sa meuf qui est grosse, d'après ce qu'il dit. Oui, voilà. Donc, moi, je suis... Alors, la dernière catégorie, c'est alors la catégorie en obésité morbide. Voilà, proche de ma mort. Obésité morbide. Attends, toi, tu parles Moi, oui. Je suis en obésité morbide. Mais combien mesures-tu 1m64. Mais pas la musique, hein. Combien pèses-tu Non, mais ça, je veux le garder secret, bon. Bon, vas-y, tu me dis que t'es obèse. Oui, voilà, j'assume, je fais 260 kilos, mais c'est dû à une tumeur. Ouais. C'est dû à une tumeur au cerveau, voilà. D'accord. Et donc, tu peux rien faire. Attends, parce que ça veut dire que la tumeur au cerveau, c'est-à-dire que c'est elle qui fait que tu grossis, ou alors c'est elle qui fait que t'as envie de manger. Enfin, parce que je sais pas si t'as pris 230 kilos parce que t'as trop mangé. Ou c'est le traitement, ça peut être. C'est le traitement, ou c'est quoi? Oui, alors c'est une tumeur à l'hypophyse, donc qui dérègle mes hormones. Ouais. Donc qui me fait manger plus. Mais de toute façon, en France, les scanners. Pour personnes en obésité morbide, ils sont à Paris. Ouais. Ah. Ils sont à Paris et moi je suis à Toulouse et il n'y en a pas. Donc je n'ai pas pu voir si j'ai une tumeur qui fait. Attends, mais là, pour un truc comme ça, je vais peut-être poser une question très bête. Hein. Oui, la Sécu, ils prennent pas en charge par exemple si tu fais l'aller-retour Oui, mais où me loger, c'est ça? Ils prennent le déplacement. Ouais. Ouais, mais ça, tu peux trouver, tu vois, un hôtel à... Attends, parce que je t'interromps, mais ils sont quand même, sans vilain jeu de mots, ils sont quand même gonflés. C'est-à-dire que effectivement, t'es en surpoids, obèse, tout ce que tu veux. Oui. Donc, t'arrives pas à rentrer... Oui. C'est au point que t'arrives pas à rentrer par une porte normale ou comment ça se passe? Dans le scanner. Dans le scanner, je m'étouffe, en fait. D'accord, mais tu peux aller dormir dans un hôtel lambda ou il faut un truc spécialisé? Ça va. Voilà, donc ils sont gonflés quand même, la Sécu. C'est-à-dire, on vous paye le déplacement, mais après, En théorie, t'es hospitalisé. Si t'as potentiellement une tumeur, ils te gardent à l'hôpital. Oui, mais ils m'ont dit juste le déplacement, l'ambulance. Donc voilà. Putain, franchement, je pense que tu peux te démerder pour trouver un logement pas cher. Ils m'ont proposé d'aller à une clinique vétérinaire, alors j'ai pas envie d'aller entre la vache. Attends, j'ai pas envie... Oui, alors, je vous jure. Pourquoi? Le scanner à vache. Pour faire le scanner? Voilà, alors je suis considérée comme une vache, voilà. C'est sympa, c'est dingue, j'ai refusé. Bah tu m'étonnes. Il y a un moment, il faut savoir ce qu'on veut, si on va être soigné ou pas. Ils pourraient quand même faire un effort. Pourquoi ils n'en ont pas? Et pourquoi t'as besoin absolument d'un hôtel spécial, enfin d'un truc spécialisé? Parce que déjà, je suis sous respiratoire la nuit. Déjà, j'ai une machine, voilà, pour respirer. Et elle ne se branche pas comme ça, quoi. Donc après, oui, non, mais le lit, il faut déjà un lit en 140, 140. Ouais, ça va dans les hôtels, tu peux. En général, les hôtels, c'est 160 dollars, enfin 1m60 en général. Hein. Mais putain, c'est chaud quand même. Hein. Et donc, qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à David, toi? Non, je m'assume, en même temps, j'ai pas le choix. Ouais. Mais je pense que, déjà, je suis une obèse qui n'aime pas les Nutella. Je hais ça, mais alors, ça fait c'est dommage quand même. Ben ouais, mais c'est bizarre. Hein. Je pense comme la fille par email là, qui disait que sa femme l'avait peut-être. Elle comblait ça par un manque. Ouais. C'est souvent ça, parce que moi aussi, ça, je manque de quelque chose et je bouffe, quoi. Je pense que c'est ça, en plus. Il faudrait qu'il s'intéresse peut-être à elle. Je ne sais pas s'il s'intéresse ou si. Peut-être vu qu'elle a pris du poids. Mmh. Il ne s'intéresse plus à elle, je sais pas, elle comble ça en mangeant. Oui, parce que c'est vrai ça, David, tu parles de ta meuf, mais toi, comment ça se passe? T'as pris du poids aussi ou pas? Non, moi je suis resté comme j'étais. Je suis resté, tablette de chocolat, tout ça. Évidemment, toi t'es un athlète, t'es un homme. On va pas jeter toute la faute sur toi, ça peut être aussi le fait qu'elle elle sorte peut-être pas avec ses copines, par exemple. Mmh. Est-ce qu'elle voit ses amis? Ouais, c'est ça. Dès qu'elle veut en voir, ils viennent à la maison, soit elle va chez eux. Oui. Bon, elle sort quand même. Alors. Elle sort un petit peu, Bon, merci en tout cas, Anne, d'être. Et une dernière question, Anne. Donc, toi, tu peux, par rapport à la prise de poids, tu peux rien contrôler du tout? Ils m'ont découvert la tumeur il y a un an et demi. Donc, elle est bénigne, hein. Elle n'est pas grave, hein, ça. Ouais, mais faut pas que tu la laisses. Ouais, voilà. Et donc là, je vais me faire poser un bypass. Je suis allée ce matin, par la vie d'un chirurgien. Ouais. Un bypass. Alors, carrément, il coupe l'estomac en deux. Oh, wow. Ah, c'est comme l'anneau, là. C'est pas ça, non? Non, parce que l'anneau, c'est pas définitif. Ah, d'accord. Tu l'enlèves, d'accord. Tu peux le resserrer ou le desserrer. Et là, il te coupe carrément. Voilà, alors il me coupe l'estomac en deux, il le dévide dans l'intestin grêle pour que je chie comme un canard, quoi. D'accord. Voilà. Alors ça, c'est à vie, t'auras un petit estomac à vie. Voilà, c'est à vie, mais sinon, dans 3 ans, je suis morte, moi. Ouais, bah ouais. Ah ouais, ça va t'aider, alors, voilà. D'accord, ok. Bon, bah, voilà. Eh bah, bon voilà. Courage à Anna, c'est tout ce qu'on te souhaite, merci. En tout cas. Hein. Je peux faire une dédicace, bah, bien sûr, vas-y, ouais. Alors, je fais une dédicace à Florian, mon meilleur ami, qui m'a soutenue, voilà, et... à ceux qui sont sur le fanbook, j'avais promis de faire une dédicace. Ah bah, et écoute, puis à tous les fans de Green Day, voilà. Ah bah, y a pas de problème, on embrasse tout le monde d'ailleurs aussi. Salut merci. Anne. Allez, salut. Gros bisous, ciao. Ouais. David. David. Ouais. Oula, t'as coupé ta radio, David? Là, je suis en train de le faire, je suis dans ma voiture, je suis en train de le faire. Parfait, très bien. De l'autre côté, il y a Léo qui voulait réagir par rapport à toi. Donc David nous avait appelé parce que ouais. Ta meuf est en surpoids et donc... Parce que sa meuf devient grosse, bah et ouais, se néglige. Elle grossit et puis voilà, et puis mais, bon. Mais si tu veux, moi je l'appelle, je lui explique. Hein. Non, c'est rare. Ah, quelle horreur. Bon, donc vas-y, dis-nous Léo, sois le bienvenu. Ouais, bonjour l'équipe. Salut. Salut. Ouais, ça va. Ouais, c'est pour dire que moi, j'ai un ami aussi qui est fada de Nutella, de bonbons, de soda, de tout. Toutes les merdes, quoi. Ouais, toutes les merdes. Ouais, toutes les merdes, comme vous pouvez dire. Et là, je commence vraiment à avoir râlé. Ça peut te foutre, c'est ton pote. Ouais, mais bon, même mon père, quand on va chez moi, par exemple... Il défonce tout. Ouais, il défonce tout. Il ouais. Défonce tout. C'est vraiment... Faut tout cacher quand il vient. Mais en même temps, juste un truc, on n'a rien contre Nutella, on l'aime beaucoup. Ah bah on l'adore, oui, même. Il faudrait peut-être inventer un moment ou un autre un Nutella Light. Light, ouais. Ah, oui, ah mais ce serait pas ça. Pareil. Ouais, je sais, mais bon, voilà. C'est impossible, je crois. Hein. 53% de sucre. Non mais voilà, déjà ouais. T'enlèves le sucre, tu mets autre chose à la place, c'est genre l'aspartame. Ouais, l'aspartame, ouais, mais c'est... Pas... pareil, le coca, il y a plein d'huile hein, dedans. De l'huile. Dans le coca. Ouais, Nutella. Dans le coca. Non, dans le Nutella, pas dans le coca. Non, dans le coca, oui, il y en a. Ah, il y a aussi, bah si, c'est tout est pour aussi. Non, c'est... On n'a pas... Bah, quelqu'un a 60 centimes pour une canette? Bah, toi, non? Je vous les enverrai un coca par... Ah, bah ça c'est j'en gentil, Léo. Ça c'est gentil, ça fait plaisir. Il n'y a rien dans le coca light, Jack, mais il n'y a pas. Non, dans le light, non, je pense pas. Mais si, dans le coca végétal, il y a de l'huile végétale partout. Bah, je sais pas trop. Non, mais je vois pas pourquoi il y aurait de l'huile. Bah, moi non plus, hein, parce que je vois pas ce que ça viendrait faire là-dedans. Bon, enfin bon, on va vérifier quand même. Ouais, à l'époque, tu voyais pourquoi il devrait y avoir de la cocaïne dedans? Eh, hey, Léo, et qu'est-ce, ouais. Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à David? Ben moi, déjà, je mettrais des clés, enfin, je voudrais des cadenas dans les... Ah ouais, mais non, chose. Mais non, il faut pas faire ça, t'es dingue. Faut mieux ne pas en acheter, hein. Ouais, mais ouais. Pour, les, oui. Pour les ados à la maison, les parents, c'est ce qu'ils devraient faire, par exemple, ils mettent des cadenas. Tu laisses la femme chez elle, David, lui, il sort un peu, et on verra, hein, si elle a tout bouffé le petit Nutella, là, mais elle est pas teubée, elle a deux jambes, elle peut aller au supermarché, acheter ouais, ça. Non, mais tu l'enfermes. Mais oui, bah, bien sûr. Ouais, séquestre ta meuf. Tu l'attaches aussi, hein. Elle peut lui un voyage au Colombie. Tu l'attaches nu. Bah non, mais si au moins... Si, ah, c'est moche pour toi, après. Là, nu. Là, pour David, j'ai envie de dire, si au moins elle était mince, il aura envie de l'attacher. Ouais, mais non. Bon, alors là, j'ai même plus l'envie, là. Bah ouais, voilà, c'est ça, ouais. C'est surtout qu'il faut deux fois plus de cordes qu'avant. En plus, en plus. Bon, David, reste là. Léo, merci à toi d'être solution. Repassé. Je te renvoie chez Michel. Si, on l'appelle, on lui dit. Ah. Oh. Michael. 21h, minuit. 21h, minuit, sur Énergie. Michael. Bon, c'est pas encore ça au niveau des réponses à la solution de... Je pense qu'on va y arriver à un moment donné. Des réponses à la solution. Des réponses au problème de David. Mais je pense qu'on va quand même, on va pas le lâcher comme ça. On va revenir sur son problème un petit peu tout au long de l'émission. Et je pense qu'on va pas le lâcher tant qu'on n'aura pas trouvé une solution à son problème. Non, petite hein pause musicale, hein, comme dirait... nos ancêtres, les animateurs radio. On se retrouve juste après pour la suite. Michael n'est pas belge. Il n'est pas radin. Je n'ai pas une petite nature. Il n'a pas de cheveux blancs. Voilà. Comme ça, il sera content. Tout ça n'est qu'un mensonge, une conspiration. 21h minuit. 21h minuit. C'est pas Michael sur Pas Énergie. Voilà. Eh ben moi, Pedro, je voudrais bien connaître la fin de cette histoire du Nutella là. Ah bon, alors parce que c'est propose... comme un feuilleton. Moi, je me suis accroché au délire. C'est un feuilleton radiophonique. C'est exactement. Ça. Moi, ce que je te propose, c'est avant d'écouter la fin, c'est d'écouter la suite. D'accord. D'accord. Bon, bah, donc c'est pour mieux, l'instant, alors, la suite de l'histoire de David avec son problème de meuf qui prend du poids. Et puis voilà, et puis je sais pas si vous aussi vous avez peut-être un petit problème comme ça dans votre entourage. Écoutez bien parce que ça peut toujours donner des solutions. Puis on récupère David qui est là maintenant. David, Ouais. Bon, très bien. On va essayer d'appeler ta meuf tout à l'heure quand même pour voir. David, donc, il y a 25 ans de Nancy qui nous avait appelé parce que sa meuf prend du poids et donc ça le saoule. Elle bouffe. Il a beau lui dire, il n'y a rien qui change. Et il y a Catherine qui est là et qui voulait réagir à toi. Salut Catherine. Bonjour. Comment bonjour ça va tout le monde. Bah, ça va bien, merci. Bon, bah écoute, tant mieux. Sois la bienvenue, Catherine. Merci. Alors, tu voulais réagir toi par rapport à David? Oui, parce que d'après ce que j'ai écouté, j'étais dans la voiture, et d'après ce que j'écoutais, je pense que sa femme doit avoir un problème plus important qu'il ne pense. C'est-à-dire? Eh ben, qu'est-ce que tu penses qu'elle a, toi? Non, oui. Je suis pas médecin, mais je parle d'expérience personnelle, parce que j'ai fait de l'obésité morbide, et contrairement à l'autre auditrice d'avant, ce n'était pas du tout parce que j'ai un problème, un cancer ou quelque chose. C'était que j'ai perdu un enfant, donc du coup, je compensais en fait. D'accord. Donc j'étais en dépression et je me demande si ce n'est pas une dépression. Ouais, toi, t'es parti là-dedans à cause de ça, quoi. Alors moi, ce n'était pas le Nutella, mais bon, c'était pareil. C'était les gâteaux, c'était les bonbons et le Coca. Et le coca. Le coca, c'est vraiment un problème, hein, franchement. Ah ouais, non, mais je pense que le coca, c'est... Il faudrait presque le placer en drogue, en fait. J'irais peut-être comme pas jusque-là là non plus, quoi, mais... C'est comme le Nutella, sauf que ça touche plus de monde, le coca. Bah, je sais pas, parce que tu vois, moi, après, je sais pas si c'est une question, ça marche peut-être pas, entre guillemets, chez tout le monde, mais moi, si je prends un coca, par exemple, je vais kiffer de le boire, mais je vais pas être en tanase, il va pas me falloir du coca, enfin, tu vois... J'en aurais pas besoin, je m'en fous, quoi, tu vois. Je kiffe pour le sur le moment en même, et puis bah voilà, basta. Moi, je me suis fait, parce que je pesais 160 kilos, hein. Ouais. Je fais 1m60, donc je vous laisse imaginer. Et je me suis donc fait poser un anneau, parce qu'au bout de 15-20 ans de dépression, j'ai réussi plus ou moins à m'en sortir. Et normalement, avec l'anneau gastrique, on n'a pas le droit au coca. On n'a pas le droit à tout ce qui est gaz. Ouais, parce qu'en fait, ça bloque les trucs solides. Tu sais, ça te fait un estomac en forme de 8, d'accord ? Ouais. Et en fait, le but du jeu, c'est qu'il passe pas dans le bas de l'estomac, sauf que les liquides, ils passent à travers, quoi. D'accord, donc, ok. Moi, ça sert à rien. Ouais, et en fait, c'est pas que ça passe pas, c'est que ça passe tout doucement. D'accord. C'est pour ça qu'il faut bien mâcher, qu'il faut bien... Et forcément, alors au début, j'ai arrêté le coca, il n'y a pas eu de problème, surtout en sortant de l'hôpital. Et depuis quelque temps, j'y suis retournée, en fait. Hein. Alors, je ne sais pas trop ce que ça va donner, parce qu'on m'avait dit surtout, éviter le gazeux. Ouais. Mais bon, à part ça... T'es à fond dedans, toi. À fond dedans. Et je vois que quand j'en ai pas, je suis quasiment en manque. Ça me fait comme une effet de manque. Je sais, il y a des gens comme ça, c'est vrai, ils ont besoin de leur bouteille d'un litre ou d'un litre et demi de coca par jour, quoi. C'est dingue. Ah, c'est comme aller avec le Nutella, c'est pareil. Ouais, bien sûr. Alors, si t'as les deux, mec, on se voit. Mais je crois que dans le coca, il n'y a pas un produit, justement, t'en as encore envie. Hein. Voilà, oui. Ton corps en non, demande. Non, c'est pas le sucre. C'est pas le sucre, je sais pas. Je sais plus comment ils appellent ça. Il paraît qu'il y a ça dans la caféine. Ça fait un peu comme ceux qui peuvent pas. La caféine, ouais, c'est de la drogue. Hein. Voilà, c'est un peu le même principe. Et il paraît qu'il y a ça aussi dans carrément la bouffe du McDo, quoi. Oui, mon fameux. Oui, McDo et Quick. Non, mais McDo et Quick en général, c'est vrai que les fast-food. Mais c'est vrai que ça, par contre, je le sens. Enfin, je le. C'est-à-dire que moment, ça fait un bout de temps que j'avais plus bouffé des fast-food, donc on branle, tu vois, j'ai pas envie. Mais c'est vrai que si tu viens d'en bouffer un, le lendemain, t'as quand même encore envie d'un. C'est dingue. Et puis si tu continues comme ça, t'es dans la merde. Mais là, ça, je te dis, ça fait un bout de temps que j'en ai plus bouffé. Tu vois, tu me dirais, Room dirait, on va bouffer un McDo soir ou un Quick ce soir. Bof, non. S'il te dit, je te paye un McDo ce soir. Bah, franchement, je suis en mode régime, donc là, je dirais non, mais. On commence demain, tous ensemble. Non, moi, j'ai commencé il y a une semaine, si tu me payes un McDo, moi, je veux bien. Ouais, c'est ça. Dès que j'ai démarré, je me fous pas au parking pendant 24 heures pour aller bouffer un truc, et puis je me remets sur la route, tu vois. une fois que j'ai démarré. Ouais, mais toi, c'est pas des régimes, toi, que tu fais, c'est n'importe quoi. Tu rigoles ou quoi? Je mange trois fois par jour, je mange des légumes, je mange du lait, des grandes flex le matin. Ça fait 2 jours que tu fais ça, sinon tu ne manges pas. Ça fait une semaine et demie que je fais ça. Oui, mais avant la semaine et demie, tu ne manges pas. Je mangeais 2 fois par jour. Oui, mais t'as un problème. Non, tu mangeais pas. Ah bon, je mangeais pas, d'accord. Vous voyez pas, tu manges pas. Mais, oui, mais tu habites pas avec moi. Enfin, ah, si. Mais non, mais, tu sais oui. que tu ne manges pas. Mais arrête un peu, là. Tu je manges pas des, à la maison. C'est quoi les petits sachets, là, qui se nourrissent? Les spécial cas, mais ça, c'est quand j'ai un petit creux, ça. Tu manges des graines. Oui, mais c'est quand j'ai un petit creux. Oui. Mais t'as mangé des graines au seul repas. Ben non non, mais tu vois par exemple ça tu devrais avoir dans ton sac quand t'as un petit creux, tu prends ça, c'est pas gras. Non, c'est pas d'aller chercher des chocolats et des merdes là. Non, quand j'ai un petit creux, je prends un yaourt 0%. Bah non, là, t'as bouffé mais du chocolat. Que là, je, là. Mais la différence, c'est que c'est dégueulasse, tandis que ces trucs, ils sont bons. Non, ouais. C'est bon, les yaourts 0%. Ah bon? Ah, tu dois être la seule personne vivante sur Terre qui non, aime mais le yaourt 0%. Tu mets du sucre dedans. Ouais, d'aspartame. Voilà. Hein non, ah oui, non, comme ça, c'est dégueulasse. Comme ça, ton cours, c'est dégueulasse. Sauf si tu le prépares en sauce pour ta salade, mais c'est dégueulasse. Bon, Catherine? Oui. T'avais quoi comme conseil à donner à David, toi? Eh ben, contrairement à ce que je vous ai entendu dire au début de l'émission, et c'est pour ça que j'ai voulu réagir. Ouais. Faut surtout pas lui sortir, l'appeler la grosse, un truc comme mais ça. Non, mais non, mais bon, allez, vas-y, on l'appelle, je vais lui dire. C'est David qui dit ça. Non, mais même David, il va faire l'effet inverse. Plus il va lui dire qu'elle grossit, plus il va envoyer ses copains, et plus elle va tomber dans le pot, elle, en fait. Ah ouais, oui, ça va tomber dans le pot, ça c'est sûr. Mais je suis d'accord avec toi, effectivement. Parce que, comme elle va s'aperçoit, si elle s'aperçoit que son mari, en fin de compte, commence à ne plus l'aimer, Ça va plus être un pot, ça va être deux pots en même temps. Qu'à mais s'il l'aime toujours, mais il l'aimerait maigre. Non, mais disons. Je pense qu'il c'est dangereux de lui dire ça, mais ça peut aussi, chez certaines personnes, faire l'effet inverse. Mais effectivement, non, faut pas prendre le risque. Non, non, Sandro, ça fera pas l'effet inverse. Mais si, mais attends, je l'ai vécu par exemple, moi, et je sais que ça a été un déclencheur pour maigrir par exemple. Oui, mais ce que je dis, c'est que c'est dangereux de prendre le risque de lui dire, mais ce n'est pas automatique pour chaque personne. Non, mais de toute façon, tout le monde est différent. David lui a déjà dit. Si David lui en a déjà parlé, s'il a en plus envoyé les copains, c'est que ça fera pas l'effet. Moi, je pense qu'il devrait plutôt voir avec elle et aller potes. Voir. Ouais, voilà. Le mieux, c'est d'envoyer la radio. Ouais, c'est ça. T'as raison. Ouais. Bon, on va essayer ça à dire. Bon, Catherine, en tout cas, merci à toi d'être passée. Il n'y a pas de quoi. Je te fais des bisous et je te renvoie chez Micha au standard, Catherine. Gros bisous. Bon, David. Oui. On va appeler ta meuf. David, tu nous avais appelé parce que sa meuf a grossi, ça l'emmerde, elle veut pas faire régime, elle veut rien faire. Pas donc, Toff, hein, pas Toff. Toff a dit qu'il allait lui filer un coup de main. Ah bon ? Après tous les conseils qu'on a eu, écoute, on va essayer sa solution. David, t'es bien sûr de toi ? Non, c'est toi qui veux ? Ouais, sûr. Ah ouais ? C'est toi qui veux ? Bon, bah, attends, comment elle s'appelle d'abord ? Elle s'appelle Sophie. Sophie, parfait. Sophie, ouais. Très bien. Parfait, bon. je vais lui parler. Bon, ça va être un drame. Je ne cautionne pas ce qui va être dit. Ça va, si ça dure mes diplômes à la tête, c'est bien. Ouais, bah c'est pas sûr. Hein. T'as pas écouté ce qu'a dit Catherine tout à l'heure, toi. Et toutes les autres. Ouais, toutes les autres. Non, je vais... Allô. Oui, Sophie. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir, Sophie. Voilà, en fait, je t'appelle de la part de ton mec, David. Oui. Ouais, voilà. Je lui dis... Non, en fait, on est à la radio, là. Hein, sur énergie, et David il essaye de te faire passer un message depuis longtemps, mais a priori tu n'es pas très réceptive, donc en fait je vais essayer de te le faire passer. D'accord. Voilà. Ça fait... Tiens, il y a des gants là. Ça fait combien de temps que tu es avec David? Tiens, je te passe des pincettes. Une paire d'années. Je te mets, je te donne un plat. Et donc, bon, ça fait un petit moment que tu te négliges, que tu fais plus très attention. Et qui veut dire Que tu t'es un peu laissé aller? Non, je vois pas. Bah, combien tu manges de pots de Nutella sur une semaine? Ah, d'accord. Je sais pas. Ouais. Je peux pas dire. Plusieurs. D'accord. Et combien de tailles de pantalon tu as pris depuis que tu consommes ce Nutella? Un ou deux. Voilà. Et c'est un peu ça le problème qu'il a, David. C'est qu'il aimerait bien que tu reviennes à ton petit 36 d'origine. Bon, elle est limite 38, hein, on va pas non plus batailler. 40, mais ça sera tout juste. Hein, donc, oui, si tu pouvais revenir à 38, ce serait bien. Un petit 38. Ouais, mais bon, logiquement, je suis censé lui plaire comme je suis. Ouais, mais non, ouais, mais non. Lui, t'as connu, t'étais bonne et attirante, et aujourd'hui, tu es flasque et rabougrie. Non, tu vois, t'avais été bien jusque-là. Pardon. Il a fallu que t'ailles de trop. Pardon. T'ailles trop loin, pardon. Pardon, Sophie, je me suis un peu emporté. Non, bon, mais avant. Sophie, tais-toi, t'en as fait assez, là. Non, mais je voulais me rattraper. Bon, vas-y. Là. Non, mais tu vois, Sophie, au début, tu faisais des efforts pour lui plaire, t'étais belle, t'étais charmante, et aujourd'hui, tu fais plus d'efforts et tu ressembles à une patate. Oh! Merci. Mais non, mais c'est tough, hein. Bon, bref. Donc, tout ça pour te dire, Sophie, que David aimerait bien que tu fasses un peu attention à toi, tout simplement. Que voilà. Tu redeviennes bonne, parce qu'il a plus envie de te baiser, là. Donc il aimerait que tu refasses un peu attention à toi, comme visiblement il fait attention à lui, ben, tu vois. Que vous... Bah, il a un peu plus de temps pour lui que moi, je n'en ai. Non, j'ai compris, ça je veux bien le croire, mais bon, c'est juste que tu montres que tu essayes de faire un effort, quoi, pour continuer à lui plaire malgré tout, parce que c'est pas... Tu sais, moi, si je sors avec une meuf méga bonne et que 5 ans après, elle ressemble à Bibendum, si tu veux, ok. Ah, toi, tu peux, mais moi, je peux pas. C'était un exemple, j'ai dit, je parlais de moi. Et quel exemple. Et donc, voilà, je peux comprendre que... Enfin, et je comprendrais aussi, d'ailleurs, qu'il le vive mal, tu vois. À un moment, il a choisi une meuf qu'il aimait au début... Si au fur et à mesure elle se transforme, ça va faire bizarre, tu vois. Mais ce que je veux dire. Donne l'exemple qu'il a donné. Voilà, oui. Apparemment, il avait une couille avec sa bagnole. Il voulait directement aller chez le garagiste. En fait, il est allé chez toi parce qu'il a pensé que t'étais le bonhomme Michelin. Oh. Et c'est pour ça. Oh, ah, c'est lui qui a dit ça. Bon, Sophie, David, on va vous mettre hors antenne, discuter un peu ensemble. On vous récupère. C'est comme ça qu'on perd juste après. 21h minuit. Michael. Michael sur Énergie. Allez, bougez pas. Restez avec nous. On se fait un petit disque et on revient dans quelques minutes pour ce best-of de Michael avec les Jeux Olympiques. Et oui, ça nous a été redemandé par SMS. Michael n'est pas belge. Il n'est pas radin. Ce n'est pas une petite nature. Il n'a pas de cheveux blancs. Voilà. Comme ça, il sera content. Tout ça n'est qu'un mensonge, une conspiration. 21h minuit. C'est pas Michael sur Pas Énergie. Voilà. C'est vrai. C'est Polo et Pedro. Donc on va en profiter. Alors je sais que vous nous le réclamez depuis tout à l'heure, les JO. Oui, comme Edouard du 64 qui nous a envoyé un SMS au 6-11-12 code MEX, vous pouvez faire comme lui. Hein, Edouard aussi, change de prénom. Discuter avec nous, hein, n'hésitez pas. Et donc il nous a pris au mot tout à l'heure, on avait passé déjà un extrait des Jeux Olympiques. Ouais. Et donc cette fois-ci il en a redemandé un et il nous a demandé le biathlon. Et donc le biathlon, rappelez-vous, c'est ce grand moment, puisque c'est toujours des grands moments avec nous. Ce sont les Jeux Olympiques. Donc, Roux et Sandra, équipés comme des biathloneurs. Alors, je vous explique vite fait. Ils étaient armés d'un fusil, d'un petit fusil en plastique, bien entendu. Et ils devaient faire comme dans le biathlon. C'est-à-dire qu'il y avait un petit parcours à faire dans le studio. Et ensuite, ils devaient tirer. Ah, je me souviens, on avait agrémenté les flèches en plastique avec des punaises. Voilà. C'est pas des punaises, c'est des petites pointes. Et le but du jeu, c'était effectivement d'éclater les ballons. Vous n'allez pas vous croire, mais Roux a été une merde sur ce coup-là. Mais une vraie merde. Et c'est Sandra qui a gagné, d'ailleurs, je crois. Ouais. Championne. Bon, on se fait maintenant les Jeux Olympiques d'hiver. The 21st Olympic Winter Games. Yes, ça y est. On remet le couvert ce soir et pour jouer aux Jeux Olympiques d'hiver, il y a Leroux et il y a Sandro ce soir qui vont jouer biathlon. Alors, en gros, comment ça se passe pour ceux qui ne savent pas ce que c'est ? Je pense que, et on a fait le plus drôle avant-hier, mais là, on a les plus belles dégaines. Le biathlon, faut savoir, c'est une alternance donc de ski de fond, la première partie. Ensuite, tu dois te mettre devant une cible avec une carabine et tu as 5 chances. Sur 5 cibles, ouais. Et après tu peux repartir en style libre de ski, et donc c'est le premier arrivé avec le meilleur nombre de points sur le tir à la carabine. Très bien. Donc pour être concret, c'est-à-dire pour l'appliquer à l'émission, on a des vrais skis, on a des vraies carabines, des vraies balles, des vrais ballons. Non, c'est des faux ballons par contre. Et donc on doit partir de la porte qu'il y a au bout du studio, on doit faire le tour du studio et on doit re-rentrer par le studio par l'autre porte. Et une fois qu'on est arrivé à cette porte-là, on doit niquer les 5 ballons. On a le droit qu'à 5 essais. Hein, bien sûr, 5 essais Sandro, hein, tire pas comme ça. Hein. Tirer combien de ballons ? 5 5 ballons ? C'est-à-dire que tu dois faire 5 sur 5. D'accord. Ou alors tu te manges. Oui, c'est ça. Tu peux aller te crever avec la carabine ? Ouais, oui, parce qu'on a on a des carabines. Donc voilà. Bon, écoute, on va faire. Non, mais attends, on le fait au timing. Bah oui, donc. Bah attends, je time. Timing, c'est les deux ensemble. Timing et nombre de cibles. Timing et nombre de cibles. C'est le premier qui a fini d'exploser les ballons. Vas-y. On a que 5 essais. Bah oui. Eh bah oui, c'est le concept. Allez, on y va, attention, vous êtes prêts? Attends, il est pas allumé mon micro. Mais si, il est allumé, on entend, mais il faut le mettre. Putain, je vous parle et vous me calculez pas. C'est parce qu'il est trop loin de ta bouche, on l'entend pas bien en fait. Il faut vraiment le coller à ta bouche. Comme une bite tout près de ta bouche. Voilà, c'est ça, c'est la même chose. Il est con, il paraît avec son casque. Qui est bête. Qu'est-ce qu'il est con ce Roux, je te jure. Eh Roux, ça fait longtemps que t'as plus appelé TF1. Hein. Ouais, putain, faut que j'appelle. Attends, je vais mettre un coup pendant que tu cours. Ouais, c'est ça, ouais. Bon, allez, on y va. Biathlon donc. Mais on va déjà avoir un petit souci. Pourquoi? Qu'est-ce qui. Oh! Parce que. Non, mais. Ah, oh, qu'est-ce qu'il est dégueulasse. Sale con, va. Mais on peut pas passer déjà. On mais peut si, pas passer. Mais c'est ça le Vietnam. Ah, d'accord. Et roule qui pète, c'est dans le polo chaud. Quel con ce roux, putain, un vrai paix, quoi. Alors. Mais ouais, mais déjà, elle triche, là. Bon, allez, c'est pas triché, je suis sur la ligne de départ. Bon, 3, 2, 1, top. Allez. Ah, c'est Sandro qui est devant. Pour l'instant, bah, en même temps, elle est partie devant, donc tu me diras. Elle est bien devant, elle est bien devant, elle est bien devant. Allez, pour l'instant, c'est elle qui est bien devant, effectivement. Oh là là, on dirait une gogole. Elle est là avec ses bâtons, ses cartons, ses espèces de pseudo-skis. Et... Ah, l'escalier, c'est dur, hein. L'escalier, c'est dur, elle perd du temps, c'est dommage. Elle a plié le ski. T'allais me dire qu'il y avait des pieds. On t'a dit trois fois. Vas-y. Allez, allez, allez, allez, non, allez, allez, allez. Oh, t'as celle du roux. Tu prends celle du roux, là. Oh là là, il y a des ballons par terre, en fait, elle doit tirer la carabine. Bon, alors. Attention, roux va tirer la première. Ah oh, putain! Première balle perdue! Eh ouais, c'est dommage! Ah. Raté! Pour l'instant, ça pète pas de ballon ça! Eh hein. Mais j'ai touché moi! Ouais, mais on s'en fout, faut que ça fasse boum! Faut péter le ballon! Allez! Oh okay. Merde! Vas-y, roux! Putain, y'a personne qui va gagner, hein. Vous êtes mauvais, mais mauvais, je mauvais! Que ça. Bah ouais, mais tu vises mal! Mais attends, mais. Y'a un problème dans mon truc là! Allez! Oh. Mais moi je les touche! Bah ouais, mais ils pètent pas! Il faut les exploser! Allez, ils en sont à deux balles chacun! Allez! Oh là là là là, il... ah et le roux qui tire, mais malheureusement ça ne pète pas. Ça aurait dû être une petite aiguille devant la balle. Ah, il y en a une en plus. Wow ah, il est vénère, roux, il est vénère. Non. Allez, roux, la dernière. Eh, hey, mais elle a avancé. Ouais, c'est vrai, elle avance un peu. Attends, attends, Sandro qui, va sur... qui est en position non, de regret. Non hein. Non. Raté. Un seul. Allez, et après, roux, la dernière balle. Roux, si tu tires bien que ça pète. Putain! Raté la défaite! Perdu! Vise-toi, vise-toi! T'es trop, t'es trop! Plus bas! Non, non! Ouais! Le deuxième! Sauf que Sandro, elle a tiré un ballon du roux, hein! Elle a tiré un ballon du roux! Bah oui! Ils avaient 5 ballons chacun, elle a tiré un ballon ah du bah roux! Ah bah ouais, merde, c'est pas la même couleur, donc t'en as tué qu'un seul pas. En fait! Non, mais on me l'a pas dit ça! Ah bah oui, mais je t'en applique, tu crois que tu. Ah, oh, je savais pas, mais donnez-moi la vie! Je te l'ai dit, les mots c'était le roux et toi c'était les couleurs! Mais tu m'as jamais donné les règles, c'est Polo qui me les a donné! Ah bah oui, bah Polo, donc tu m'as pas dit qu'il fallait pas tirer les violets! Mickaël! 21h minuit! 21h minuit sur Énergie! Et sur mikael.fm! Alors je vous avais pas menti, c'était exceptionnel, c'était vraiment très drôle, les roux, il était mauvais! Il était mauvais! Il est mauvais. En quoi il est bon ? En rien. En quoi il est bon ? En rien. En quoi il est bon ? En rien. Voilà. Si vous voulez rire, tous les soirs de la semaine entre 21h et minuit, il y a une émission pour ça. Si vous voulez tout savoir sur tout, sans vous prendre la tête, il y a une émission pour ça. Et si vous voulez vous aussi vous foutre de la gueule de vos people préférés, il y a une émission pour ça. En fait, il y a une émission pour à peu près tout, uniquement sur Énergie. Mickaël. 21h minuit. Polo, si je te dis pardon my French, tu me réponds quoi? Voilà, comme ça, là, sans réfléchir. Allez hop, du tac au tac, à brûle pour point, ipso facto. Excuse me for my English. D'accord. Parce que tu me dis ipso facto. Oui. Tu réponds ipso facto. Pardon, My French, en fait, c'est un site internet ouais. Dans lequel des Français qui sont comme toi très mauvais en anglais. C'est vrai. Je suis plus que mauvais, oh là là. Comme ils ont peur de chanter des chansons originales directement en anglais, en fait, ils les traduisent en français. Et voilà, donc ils chantent des chansons anglaises, mais traduites en français. Et des fois, franchement. C'est une catastrophe. Vaut mieux pas savoir ce que disent les paroles et juste écouter la musique. Et on est de retour sur Énergie comme tous les soirs entre 21h et minuit. Bah vous lâchez vos messages, hein, comme d'habitude, ça se passe au 612. Débutez votre message par Énergie et sur mikael.fr. Cliquez sur la communauté pour venir rejoindre tout le monde sur le groupe Facebook. Et comme tous les soirs, il y a du monde. On est plus de 42 000. Ça, c'est oh putain, beau. Ça a augmenté. Bah oui, enfin tous les jours ça monte un peu. C'est l'inflation. Ouais, ça doit être ça, ouais, c'est ça. À cause de quoi ? Bon, t'as montré tes fesses sur le Facebook toi ? Non, je fais pas ça sur le Facebook. Sandro, t'as montré tes uns ? Ah oui, ça pourrait rapporter du monde. Il suffit de mettre une photo de mon visage, hein. Ouais, c'est vrai. Ça carbure. C'est ça. Et là, ouais. Et là on va faire mes hop là la chute comme le dollar. Non, c'est tous les clients de Roaccutane. Mais comme Virginie vient lundi, je vais montrer mes fesses sur. Ouais, c'est pas lundi, bon. Hein, c'est lundi d'après, non? Ah merde. Ouais, je sais plus, lundi d'après, ouais, c'est lundi d'après. D'accord, ok. Donc on salue Pierre, Adrien, il y a Delphine, il y a Mehdi, il y a Nicolas et tout ça, et Mickaël.fr. Cliquez donc sur la communauté pour lâcher tous vos messages. Bon, alors souvenez-vous, c'était la semaine dernière où vous avez fait écouter des chansons qui étaient mais traduites en français. Ah oui, chantées en français. Chantées, c'est pire. C'est dégueulasse. Elles sont même pas traduites, elles sont carrément chantées en français. Et donc on a quelques morceaux. Alors on va essayer de les retrouver entre nous. Bon, moi j'ai les réponses, donc c'est plutôt vous qui allez jouer. Hein. Jack aussi. Qu'est-ce qu'on gagne? Bah rien. Bon, ma main sur ta gueule. D'accord. Génial. Qu'est-ce que tu veux? Je sais pas, une gorgée de coca. Bah c'est déjà ça. Ah putain, c'est ouais, toujours cette prise. Bah ouais. Vraiment, c'est à partir vraiment, de combien de gorgées on considère que t'as gagné la canette? Deux. Très bien, ouais, c'est rajoutant. Bon, allez, écoutez le premier extrait. Bon, le premier, je sais même pas si vous connaissez l'original. Tu. Ouais. Jack nous a pour des gros cons là. Ouais. What you say? Non. Jason Derulo? Non. C'est Matt Pokora? Non. Mais non. Mais non. Ah si, ça il a chanté en anglais, Matt Pokora. C'est là que tu vois que le R&B 112? Non. Le R&B traduit en français, c'est juste une catastrophe. C'est attends, ça. Usher. Alors. Quelle horreur. Ah, attends. Justin Timberlake. Non. Attends, je vais mettre la VO maintenant, parce que vous avez pas trouvé, on va mettre la version originale. Kelly, non? Je connais ça. Thierry? Non. Presque. Enfin, presque. Je connais même pas cette chanson. Attendez, on se parle plus connu, mais. Vous voyez pas? Bah là non. Vous voyez que je mets plus loin? Ouais. Qu'est-ce que c'est que ça? Ouais, bah Jack, t'avais raison. T-Pain et Ludacris. Vous êtes donc des gros cons. Ah putain, j'ai failli dire T-Pain. Ah bah, t'aurais dû, hein. T'aurais dû. Mais vous voyez un peu la différence. Alors écoutez bien celui-là, hein. Écoutez la version française. Ouais. Voilà, allez hop, passe-toi la version française. Écoute un extrait suivant. Alors attention, on joue toujours, hein. Toute la journée, je pense à des choses, mais rien ne semble répondre. Parce que je vais faire reprendre l'esprit. C'est Rolling Stone ? Non. Pas quelque chose pour apaiser. Bah, écoutez la VO. Oh, attends, mais la. Ah oui, mais c'est court, hein. Écoutez la VO. Moi, je mets plus loin. Oh, c'est un vieux truc, ça. C'est un vieux truc, ouais. Osborne. Bon. Ah bon ? Ozzy Osborne. Oh ouais, d'accord, mais attends, on se demande laquelle écoute, est... Écoute, c'est connu quand même. Non. Black Sabbath. Je le connais pas. Tu devrais connaître, ton père, il doit kiffer ça. Black Sabbath avec Paranoid. J'ai des albums. Ah, très bien. Il écoute ça. Il a des albums de Black Sabbath et de G-Squad. Putain, je suis mec de Black Sabbath. Je suis mec de Black Sabbath, je viens chez toi, je te tire une balle à la tête. Ouais, ils sont morts. Mais tu les ranges pas dans la même étagère quand même, rassure-nous. Si, c'est pas grave. Je m'en bats les couilles. Quel con alors. Extrait suivant. Ah, mais après, c'est facile. La vieille ici. La vieille derrière. La vieille ici. C'est pour moi. Montre-moi comment tu fais. J'ai la banane. C'est connu ou pas ça? Ouais, ouais, c'est connu. Ouais. C'est connu. Allez, version originale, tu vois ce que vous avez trouvé. Oh, ouais, ça c'est la même chose. Ouais. Mais on dirait. Putain, merde. La vieille ici. La vieille derrière. La vieille ici. C'est la salsa du démon. Ouais, voilà. Exactement comment tu fais. Véo. J'ai la banane. Véo. Yeah. Ah ouais, c'est. Ah, ça fait pas de cure, mais les mecs ont fait ça bourré. Ah ouais, c'est le rock par où qui a fait la VO. Effectivement. Bon, allez, le petit dernier, écoutez bien. Ah ouais. Ouais, oh, c'est connu ça. Ah. I want to break free, Queen. Ouais. Mais c'est que la rythmique hein, qui permet de reconnaître. Ouais, c'est vrai que c'est même plus facile. C'est vrai. Écoutez la VO. Attends. Je dois casser libre. Ah, to break free. Je dois te finir. Je dois casser libre. Qu'est-ce que ça veut dire I want to break free? Je veux reprendre ma liberté. Ouais. D'accord. Écoutez. Ah ouais, je reconnais là. Ah ben on sent bien de toute façon, on connaît Queen. Ah ouais. Excusez-moi un petit peu. Excusez-moi. Oh, le clip. Ah, il faut voir. Ah, oui, j'ai déjà vu, ouais. Oh, c'est rude. C'est rude, hein. C'est rude, hein. Bon, enfin bref, vous connaissez Queen, de toute façon, écoutez. Sans oh, très long intro. Ah oui, putain. Intro. Ah ouais, c'était l'époque, hein. Surtout sur le clip. Voilà, ça c'était la version originale. Bon, bah très bien, voilà, donc c'était... comment on l'avait appelé d'ailleurs cette... Pardon my friend. Mais c'est un, c'est, oui, pardon my French. French, hein. Oui, c'est un site en plus. Excusez mon français, ils ont raison. C'est ça, pardon my French, effectivement. Bon, allez, on revient dans quelques instants, ne bougez pas de là. On va revenir avec l'interview de Titio également. Titio, c'est celle qui fait... come along with me. J'ai envie de la titiller. Pardon. Je titillerais bien le téton. Je vais faire pardon my English. Ouais. Faire ça. Allez, restez là, on revient après ça. 21h minuit. 21h minuit. Mickaël. C'est Mickaël sur Énergie. Excuse-moi pour mon français aussi. Ouais, je t'en prie. Hein, ouais. C'est, on peut pas être tous parfaitement bilingues comme moi. C'est vrai. Non, mais, bilingual. On n'a pas fait tous des études. C'est pas... Oui, non, mais c'est vrai que j'ai eu un BEP mécanicien. Bon, arrête de nous raconter ta vie, là. Est-ce qu'on peut, voilà. On peut avoir un petit disque, plutôt. Je préfère écouter de la musique que t'écouter parler de ta vie. Après le BEP, hein. Nous sommes en 2009 après Jésus-Christ. Toutes les émissions subissent la sévérité de la direction d'énergie. Toutes ? Non, car une équipe d'irréductibles gaulois résiste au patronat. 5 ans après, ils sont toujours là le soir, sur Énergie. Mickaël, c'est Astérix dans ta radio. Polo ? Ouais, c'est plutôt Obélix, ouais. Ah oui, je te dis, voilà, c'est Obélix dans la radio. Tu voulais connaître le fameux de cette histoire de David ? Oui ! David, l'auditeur transporteur, qui avait un petit problème... Nutella. Il y avait une femme qui avait un petit problème de surpoids. Exactement, ouais. Eh ben voilà, la fin de cette histoire, c'est maintenant dans le best-of de Mickaël. David et Sophie, le retour. Bon, Toff s'excuse pour avoir... Il s'en branle. C'est facile de faire et de s'excuser après. Je m'excuse pas qu'elle fasse un effort pour son mec. Non, mais c'est ce que je disais. Voilà. Et Sophie, donc ton mec voudrait juste que tu fasses un effort pour lui. David, explique-lui maintenant que vous êtes là, dis-lui les choses. Mais il lui a déjà dit. Oui, mais c'est ce qu'il nous dit. Mais est-ce que c'est vrai maintenant? Je sais pas. Le plus simple, c'est. Le plus simple, c'est de faire le gym. Tais-toi. Je vais vous faire comprendre tout de suite au début que je me suis mis avec elle, il y a 7 ans, c'était genre Paris Hilton. Bah, toujours habillé, sexy, machin, toujours les bonhommes ils se regardaient, ils se retournaient dans la rue. Attends, c'est Maïté. Non, mais là maintenant c'est plus, elle tire plus vers Velvet d'amour, t'as vu, de la ferme. Elle a dit tout à l'heure à Toff que toi t'avais le temps, monsieur, et qu'elle avait pas le temps. Le temps de quoi? Ça, c'est des excuses qu'elle trouve, mais bon, le soir pour aller manger du Nutella devant la télé, elle a du temps. Non, mais attends, elle a du temps parce qu'il y a les gosses à la maison, donc elle est sur les lieux. Bah ouais, mais le matin, mais quand la journée quand les enfants sont à l'école, il y a rien. Et qui c'est qui va laver tes caleçons après? Oh, ça va. La machine à laver. Tu les mets dans la machine, tes caleçons, toi? Non, non. Moi, je les mets dans la chambre. Oui, bah oui. Ah, voilà. Je les pose et puis ils vont tout seul. C'est pas le problème, le ménage. Oui, c'est vrai, on est en train de s'éloigner là. Si, parce qu'une maison, faut pas oublier que ça s'entretient. Et si les mecs vous aidez pas vos meufs, c'est plus difficile pour les meufs. D'accord, tu vas aider ta meuf. Ouais, je vais aider ma meuf, mais bon, faut qu'elle elle m'aide aussi au niveau de la tête, parce que là, je tiens plus, là. Bah, est-ce que... c'est Carole? Non, c'est Sophie. Sophie, t'as peut-être des choses à dire, je sais pas. Bah, oui, parce que bon, déjà, premièrement, je comprends pas déjà pourquoi il est obligé de passer par une émission de radio pour m'en parler. Donc, il aurait peut-être pu déjà m'en parler à moi. Ah, il a dit qu'il t'en avait déjà parlé, en tout cas, plusieurs fois. Autant plus, hein, il m'a déjà dit, bon, tu manges un peu trop de chocolat, ça s'arrête là, mais bon... Ah oui, mais c'est pas pareil, ça, David. T'en as pas discuté concrètement, posément, avec elle. Voilà. Je pense que nos soucis déjà nous concernent que nous. Mais bon, si j'y plais pas, il a qu'à me le dire franchement. Et puis bon, moi, personnellement, il a envie de prendre la porte, il la prendra. De toute façon, moi, je m'en fiche, je suis comme je suis. Il m'a voulu, il m'a eu, il assume comme je suis. Tu peux reconnaître que... J'ai pris un petit peu de poids, je suis d'accord. Mais bon, il a envie de te retrouver belle comme il t'a connue, quoi. Il part tous les jours à 6h du matin, il rentre à 11h minuit, ou alors il travaille de nuit. Je suis constamment toute seule à la maison avec les enfants. C'est pas une vie non plus. Donc tu te fais chier et tu bouffes. Voilà, je pense que du fait que je suis à longueur de temps toute seule, on va dire sur 24 heures, je dois être 16 heures toute seule. Donc oui, je pense que je dois peut-être compenser là-dessus. Bon, ben voilà, David, le problème, il est là. Baise-la plus. Non, ben c'est vrai. Ouais, mais bon, faut bien que je travaille pour gagner de l'argent aussi. J'ai compris. Non, mais tu vois que le problème, il y a une solution à ce problème. Enfin, il y a plusieurs solutions à ce problème. Au chômage. Juste... Non, mais c'est juste qu'elle s'emmerde. Mais je peux comprendre. Si je suis à la maison, si je suis chez moi, qu'il y a des trucs à bouffer et que je suis tout seul et que je me fais chier, bah je vais bouffer. Bah ouais. Bah c'est clair. C'est évident. Non, moi je sais pas, je mets sur l'ordinateur. Je, bah toi, je sais non, pas, mais elle. Ah non, mais, non, mais ah, moi en plus, le peu de temps que tu passes avec elle, tu le passes sur l'ordi. Non, non, elle dit que si voilà, elle dit c'est lui. Je serai tout seul à la maison, je serai sur l'ordinateur, je sais pas. Ouais, moi aussi, mais avec mais il faut prendre sur l'ordinateur à longueur de temps aussi le peu de temps qu'il est à la maison. Ouais, super. En plus, ouais. Bon, bah voilà. Comprendre que tout le monde ne fonctionne pas de la même façon. On va donner votre numéro à TF1. Il y en a quand ils se font chier, effectivement, ils ont pas besoin de bouffer, il y en a d'autres qui ont besoin de bouffer. Ah ouais, mais bon, moi j'aimerais bien qu'elle redevienne comme elle était il y a 7 ans quand on s'est mis ensemble, quoi. Bah sois plus présent, peut-être elle le fera. Essaye d'être plus présent et quand tu dis que tu bosses, non mais j'ai compris, attends. Faire des efforts, mais non bon. Mais tu vas me sortir l'excuse, oui, mais il faut que je travaille. Oui, effectivement, mais à côté de ça, tu peux me montrer que au moins quand t'es là, tu fais attention, tu vas pas sur l'ordinateur, tu vas. C'est surtout faut que t'aies la motivation, parce que quand tu dis je veux bien faire des efforts, mais bon, le mais bon il est en trop déjà. Au début j'en faisais des efforts, parce qu'au début je pensais qu'elle allait se calmer, mais plus je faisais des efforts et moins elle se calmait, donc. Au bout d'un moment, j'ai baissé les bras, quoi. Ah bah faut vous parler, quoi. Faut se parler calmement, sans... Voilà, sans... Sans... Ouais, on va essayer. Sans animosité. Voilà, merci, Roux. Bon, bah très bien. Écoute, David et Sophie, tout est dit, ouais. Je pense. Hein, maintenant, la balle est dans votre camp. Hein. Sinon, achète-lui un sauna. À vous de voir. Ah, c'est fort, ça. Un vélo d'appart. On va en parler. Bon, très bien, ça marche. Allez, passez une bonne soirée tous les deux, et puis on se rappelle, hein, d'accord. Ouais, je peux faire une petite dédicace vite fait. Vas-y, ouais. Non, bah non. À Gaël, à France, à Gilles, et puis bah aux autres qui m'ont reconnu, quoi. Ok, bah le message est passé, nos malaises. Salut, à bientôt. Salut. Ciao à vous, salut. Bye bye. Bon. Il va se faire défoncer, je pense. Ouais, je pense qu'il est mort. Hein. Alors que lui, il voulait la défoncer. Ouais, non, ouais, je crois qu'il est mort. Michael. 21h, minuit. 21h, minuit, sur Énergie. Michael. Polo, comment ouais. T'aurais réagi, toi, si... Si ta meuf t'avait appelé comme ça en direct à la radio pour te dire un gros porc, te dire Polo, ouais, t'es bien, j'ai un problème avec toi, t'es trop gros. Eh bien j'aurais fait comme tout le monde, comme 90% de la population en France ou même à l'étranger, c'est que j'aurais fait comme si de rien n'était. J'aurais mais oui, mais bien entendu, j'aurais pris à la rigolade. Eh mec, quand je la vois, pam, je lui prends la tête. Ah, je croyais que t'allais dire coup de tête balayé. Ah non, mais non, mais non, mais non, mais je lui aurais pris la tête, quoi. Mais c'est un scandale, tu ne peux pas faire ça, tu m'as humilié, et tes parents, voilà quoi, le grand classique quoi. D'accord, bon. Mais j'aurais été hypocrite comme tout le monde à l'antenne, j'aurais fait semblant, j'aurais dit oui, mais c'est génial, mais tu as raison, justement, je comptais faire un régime. Alors que c'est pas vrai du tout. Mais bien entendu que c'est faux. T'en fous, tu. Mais que la bouffe m'éclate la tête. Allez, reste avec nous dans un instant, la dernière ligne droite de ce best-of sur Énergie. Bonjour, c'est Zizou. Alors moi aussi j'écoute Michael de 21h à minuit parce que franchement c'est bien. Du dimanche au vendredi, 21h minuit. Parce que franchement c'est bien, hein. Et c'est Zizou qui le dit. Ah, il nous avait manqué. Ah, mais il y a une demi-révolution, hein. Ah oui, les gens se sont plaints, ils ont gueulé, ils ont fait des manifestations, on a eu Polo Show. Parce que hier, on a été privé de Polo Show. Ah non, mais c'était pas privé, j'ai dit, bon allez les gars, pour une fois, tu nous as privé. Je n'ai pas privé, je vous ai dit les gars, aujourd'hui, show. Voilà, pas de Polo Show. Tu as fait ta diva. Sauf qu'aujourd'hui, vous allez le retrouver avec plaisir. Tu as fait ta diva. Et on vous avait dit que peut-être on vous en diffuserait deux ou trois, et ben on vous a menti. Voilà. Hey, what's up? This is Chris from the band Daughtry, and you're listening to the Polo Show. Bingo! Welcome to the Polo Show. Est-ce qu'on va se calmer? J'ai l'impression que j'excite les gens. C'est un peu bizarre. Dès que j'arrive quelque part, les gens s'énervent et se battent. Serais-je à ce point? Est-ce que je dégage des ondes négatives? Bienvenue dans le Polo Show. Je tiens à saluer mon ancien sponsor, qui est la boucherie Sylvie. Que pour retrouver à Cannes, n'hésitez pas à aller les voir de ma part. Mais surtout, ne pensez pas avoir quelque chose de gratuit ou une ristourne sur les prix, car vous n'en aurez pas. Hein. Mais vous pourrez manger les meilleurs steaks du monde, les meilleurs merguez du monde, le meilleur agneau du monde. Et tout ça pour la somme modique de... Oh, allez, c'est quoi l'argent? J'en sais rien. Allez, Un peu de pub, on se retrouve juste après pour commencer le polo show. Si vous tombez malade mais ne savez pas comment vous guérir, il y a une application pour ça. iDegré calcule votre température. Pour cela, c'est très simple. Insérez-vous l'iPhone dans le cul et attendez le bip. iDegré, c'est uniquement sur l'iPhone. Salut, c'est les plasticines. On ne s'en débarrasse pas, ils nous collent à la polo show. J'embrasse les plasticines qui seront en première partie du concert de Jared Leto vendredi à Bercy. Jared Leto qui, bien entendu, vous le savez, bien sûr, il a fait sa demande officielle en mariage à Mike. Et je suis heureux de vous dire que je serai, comment dirais-je, je serai le témoin. Voilà, j'ai même acheté un costume pour la... Donc, si vous vous rendez compte à quel point c'est important pour moi. Ça me touche, j'ai envie de pleurer. Merci Mike pour cette ces émotions que tu nous fais vivre chaque jour. Allez, hop, on passe à autre chose. Qui est là? Allô, Polo? Ouais. Non, c'est Gérard. Voilà. Gérard de Vivre FM. Ça existe? Ah. Non, ça existe. Excusez-moi, je me suis trompé. Je pensais que je parlais à Polo. Enfin, non, je, mais je tu peux. Désolé. Pendant que t'es là, non, tu peux y aller. Non, non, mais je suis désolé. Moi, je voulais parler à Polo. Je voudrais pas m'imposer sur l'antenne, quoi. Non, mais tu t'imposes pas. Surtout non, non, mais non, non. Pas de carrure ni de présence, lui, c'est très bien. Bah, donc voilà, donc justement, je vais pas rester alors que moi, je voulais parler à Polo. Allez, c'est Polo, c'était une boutade. Tu sais, je suis un des mecs les plus drôles qui existent sur cette. Évidemment. FM. Évidemment, surtout à cette heure-là, il n'y a plus personne de drôle, hein, Polo. Ah, si, il y en a beaucoup. Ah bon? Je salue Maurice qui doit être sur WFM, là, quelque part. Ouais. Bon, en fait, je t'appelais juste parce que moi, je voulais savoir si c'était possible d'avoir des invitations pour le mariage. Oh mais non, mais c'est pas vrai, c'est une blague, oh là là. Oui, mais oui, si tu veux. Bah non, quel mariage? Non, mais Polo, t'as pas Polo, précisé si quel peut, mariage. Si on peut plus, bah le mariage de Mickaël et Jared. Mais non, mais tu... Oui, pourquoi tu veux des invités? Je comprends pas. Bah moi je veux venir, je veux non, tu ne viendras pas, tu es laid, allez. Qui est là dans le Polo Show? Allô? Allô? Allô? Allô? Allô? Ah, mais il y a personne. Allô? Ah non, là, il y a personne. Ah, mais c'est bizarre, normalement, il devrait y avoir quelqu'un. Bon, allez, on va prendre. C'est dans le Star Match. Allô? Hey, il est là. Salut, monsieur. Hey, ça va, Polo? Bah oui. Hey, Polo? Ouais. Chiffon, il est rentré à la maison. Eh bah, ça me fait plaisir, ça. Ça fait plaisir, hein? Tu vas pouvoir essuyer les. Comment on appelle ça? Les vitres. Avec le chiffon. Un peu de du chiffon. C'est pas parce que tu fais ça au bled que le chiffon doit le faire. Oh, tu vas te calmer là. De quel bled tu parles? Bah, je parle de Je viens du 16e, moi, monsieur. Oh, tu viens d'Argenteuil. Ouais, c'est ça, je viens d'Argenteuil. Qu'est-ce que tu veux, monsieur A? Ne me tutoie pas, Polo. Qu'est-ce que tu veux, monsieur A? Ne me tutoie pas, Polo. Tu. Ne me tutoie pas. Tu. Polo. Tu. Tu veux une charlotte? Bon, vas-y, monsieur, allez, on y va. On est grand, on est beau. Putain, j'ai jamais vu un mec aussi con et aigri que toi. Polo. Oh, si, j'en connais beaucoup, moi. Moi aussi. Oh, monsieur, attendez deux secondes, attendez. Qui est là? Ouais, Château, mon frère. Salut. C'est Paris, ça va? Ah, dis-moi, Polo, tu fais quoi demain? Paris, allô? Polo, c'est Paris. Quoi? Salut, Paris. Mais on est pareil, toi et moi, on est dans le combat. On est dans le combat à Manu. Tu te trompes d'accent, là. Hein? Là, tu dois être... Viens demain, on fait un combat. Tu te trompes d'accent. Alors, tu vas... Farid? Oui. Tu vas régler ton accent et tu reviendras un autre jour. D'accord, demain on fait un combat, toi et moi. Ou t'as quelque chose de plus intéressant à dire? Farid? Ouais. T'as un prix sur les jeans? Toi et moi, demain, je fais un combat. Si tu veux, Farid, si tu veux. Un combat de quoi? À demain, mon frère. À demain, mon frère. Oh. Qu'est-ce qu'il est con, ce mec. Un jour, je vous expliquerai les dessous du polo show, vous allez comprendre pourquoi on rigole. Mais pas maintenant, parce que... Garde patience. Le polo show va bientôt se terminer. H-5 secondes. Et il en fallait un pour terminer le polo show. C'est un peu cette boîte de Nutella qui est un peu vide, mais on met le doigt au fond pour retirer les quelques morceaux c'est un peu ces miettes de pain dans ton lit quand tu veux dormir, mais qui te gênent parce que t'as mangé dans ton lit comme un connard. C'est un peu le c'est un peu taf dans un coin de studio qui tapote sur son téléphone portable. Il est là, c'est monsieur. Hé Polo. Ouais. Polo, putain, qu'est-ce que je suis content si tu savais. Bah moi aussi je suis content. Je suis à la limite de la branlette. Ah bah vas-y, n'hésite pas. Polo. Quand tu te masturbes, tu penses à qui? À Sabra. D'accord. Donc, à Sabra, direct. Direct. Tu sais que tu peux aller sur le site www.michael.fr et tu as des photos. Nu. Tu as des photos de Sandra. Oui, mais je me branle devant. Et tu sais, Polo. Quoi? Eh ben, quand je regarde Sabra. Ouais. Eh ben, bon, en premier, je regarde pas sa gueule. Ça déjà. Deuxièmement, je regarde ses nichons. Ah ouais? Ouais, je fais ça aussi, moi. Dès que je la vois, je lui dis bonjour en regardant ses nichons. Je vais te dire parce que moi, je l'ai jamais baisé. Ouais. Mais ta gueule! Ah, puis, ça. Sabra, parle-moi que je continue ma petite branlette. Parle-moi, Sabra, insulte-moi. Mais parle-moi, Sabra. Je m'imagine te fouetter avec mon sgeg sur chaque sein. Je m'imagine ça en imaginant ton gros cul, mais que j'aime. J'imagine tout ça, ta tête, Sabra. Oui, ça m'excite, monsieur. Oui, tu m'as pris pour pas tout. Vous êtes immonde, vous êtes l'immondice. Ça ne se fait pas de parler comme ça d'une jeune fille. Ah oui, mais elle est là. Ah bah, et de sortir avec un alcool, ça se fait? Je sais pas, je ne suis jamais sorti avec un alcoolique, moi, monsieur. Monsieur, on va y aller. Polo, juste une petite chargeur. Une chargeur? Ça pousse. Qu'est-ce que c'est qu'une chargeur? Une ferveur. Bon, vas-y. Juste qu'elle me dise juste un mot, même ta gueule, mais que je puisse. Juste que je puisse gicler tranquillement. Sabra, parle. Elle veut pas. Elle veut. Mais Sabra, vas-y, parle. Que mes draps s'en souviennent. Monsieur, vous êtes prêt? J'ai réglé ça en antenne. J'étais là, ouais, pépère. J'écoutais la mixtape d'Alpha 520, quoi, de PD, t'as vu? Ah. Il a aussi à se muscler un... Oh, je viens de débander direct. Monsieur, on va y aller, ça pousse. Ah, oh, oui, enfin, la pub, pas vous. Donc, OK pour la prime de 150 euros. Mais bon, allez. Mais Michael, quoi. Non, mais 150, hein, vous aviez dit 150, alors 150. Non, mais il a déjà raccroché, là, ça a coupé, il a plus. Bah, il entend très bien, il va te répondre par MSN dans 2 secondes. Il répond oui, 150. Si jamais il se débile, je m'engage les 75 euros. Taxe comprise. C'est parlé pour où s'est mis le god. Donc faut replacer dans le contexte, hein, à l'époque, ouais, à l'époque. Effectivement, l'enculé qui me servait de boss, qui était là, a ouvert sa grande gueule comme il fait souvent. Il m'avait promis des choses qu'il ne m'a jamais données. J'ai trouvé le cul, oui. Alors, monsieur, qu'en penses-tu de cette personne? Si toi, ton boss te faisait ça, t'es d'accord avec moi? Ça s'appelle un enculé. Oui, mais justement, il aimerait t'enculer encore à nouveau. Oh, monsieur, ça suffit. La conclusion, c'est ça. C'est qui cet enculé? Ah, ça marche pas, excusez-moi. J'allais conclure avec un bruitage, mais ça marche pas. Bon, on va y aller. Oui, je crois qu'il faut pouvoir partir. C'est à vous de donner des noms. Moi, mais non, je sais pas, c'était qui l'enculé? Quel enculé? On parle d'un enculé. Quoi? Polo. Quoi? Moi, je peux dire qui c'est. C'est qui? Vous êtes sûr que vous voulez que je le dise? Non, on ne peut pas. Allez, on va y aller, monsieur. Au revoir. À ce chef de Polo Show. Merci à ceux qui l'ont écouté. Et merci surtout à ceux qui l'ont pas. On est des bastringues. 21h minuit, Michael est sur Énergie. Et c'est sur ce grand moment de radio qui est le Polo Show inoubliable que nous allons nous séparer et aller dormir chez nous. Reposer pour demain tranquillement. Car demain est un autre jour et nous serons là demain. Tout à fait. Et de demain, 21h à minuit. Après 4 mois de baillonnage, on était comme le jambon de Bayonne. On était pieds et poings liés contre un poteau. Et voilà, on nous a empêché de parler et de raconter des conneries. Et en même temps, je crois que vous avez bien fait. Donc pour ceux qui nous aiment, on est là pour une semaine, faites des petites cassettes. Hein, je sais que vous avez encore des petites cassettes à bande magnétique. pour les autres, ceux qui nous aiment pas, eh ben il y a dans le best-of, il y a le best-of de Sans Internet de et l'émission. Puis, ouais, et puis il y a d'autres radios au pire. Hein. Voilà. Et puis voilà, quant à nous, eh ben, on vous souhaite une bonne nuit à tous et on vous retrouve demain 21h sur Énergie. Ciao. Radio number one.